sad souls, sad souls. Darling, all I know are sad souls, sad souls. Of a pop song people forgot, and I can't keep a girl, no, cause as soon as the sun comes up, I cut them all loose and work's my excuse, but the truth is I can't open up, and you don't wanna be high like me, never really knowing why like me, you don't ever wanna step off that roller coaster and be all alone, and you don't wanna ride the bus like this, never know who to trust like this, you don't wanna be stuck up on that stage, stuck up on that stage singing. Oh, I know sad songs, sad songs. Darling, all I know are sad songs, sad songs. Evan et la tribu, 6h-9h sur Fun Radio. Bonjour à vous les amours, nous sommes aujourd'hui vendredi le 17 juin et nous ne sommes pas dans les locaux de Bruxelles ce matin, les locaux de Fun Radio. Nous sommes à Nausicaa en direct de Boulogne-sur-Mer. Et alors on est dans un espèce de lagon comme si on était dans un bar dans les Caraïbes. En dessous de nous là, il y a un aquarium dans lequel nage un requin. Et dans lequel je vais faire plonger Sir Khalid du Jambon tout à l'heure. Il le mérite hein, parce qu'il n'a pas été très sage hier soir. En tout cas, bienvenue à vous. On va faire les cons comme chaque jour. Du son dance floor, il y en aura évidemment. Il y aura également des gros cadeaux. Je vais quand même déjà saluer un petit peu l'équipe qui est là. Bonjour Yo-Yo, bonjour Mayolande. Hello. Il y a Jean-François qui est là. Bonjour Jeff. Bonjour Evan. À l'info, la météo et l'infographic. Et puis Sir Khalid du Jambon, bonjour, qui plongera tout à l'heure avec les requins. Ça va? Oh, il marche pas ton micro, toi, disons, c'est bizarre. Tiens, si, ça va maintenant. Ah bah voilà. Sur le mode on, ça va mieux. C'est génial, on a eu un technicien hors pair qui nous a fait un montage fabuleux hier. Ah ouais. À une vitesse de dingue, etc. Et exceptionnellement, c'est parce que nous avons changé de technicien que tout fonctionne ce matin. C'est quand même un truc de ouf. Dans un instant, Justin Timberlake, c'est ce qui va arriver sur Fun Radio. Bonjour à vous et bon réveil si vous êtes là en mode « Ouh, c'est dur ce matin ». Il est 6h sur Fun Radio, nous sommes vendredi et c'est Evan et la tribu. Bienvenue. Fun. Luminus soutient votre énergie pour les Diables Rouges. Encouragez-les via le hashtag 12e Diable. Luminus, à votre service. Et les toutes premières informations de la matinée, c'est avec Jean-François que ça se passe en direct de chez Nausicaa, ici à Boulogne-sur-Mer. Bonjour Jeff. Bonjour Evan, bonjour à tous. Jo Cox, une députée travailliste, est morte des suites de ses blessures après avoir été la cible de coups de feu hier à Birstall, dans le nord de l'Angleterre, plongeant le pays dans le drame à une semaine du référendum sur l'Union européenne. La police qui a interpellé un suspect âgé de 52 ans a indiqué qu'un grand nombre de témoins avaient été entendus. La mort de Jo Cox est une tragédie. Elle était députée engagée et bienveillante. Mes pensées vont à son mari et à ses deux jeunes enfants également, commenté sur Twitter le Premier ministre David Cameron. Les syndicats de police se sont entretenus hier avec le directeur de l'organe de coordination pour l'analyse de la menace et un représentant du cabinet du ministre de l'Intérieur après l'assassinat d'un couple de policiers en France et l'avertissement sur des attentats imminents relayés par plusieurs médias. Ils ont manifesté leur inquiétude quant à la sécurité des policiers et ils ont exposé également leurs revendications, notamment concernant le port d'armes permanent et les mesures de sécurité qui doivent être appliquées indépendamment de la hausse ou de la baisse du niveau de la menace. En 2015, les achats alimentaires transfrontaliers des Belges ont augmenté de près de 7%. Et les coûts salariaux élevés et le nombre de taxes ainsi que les cotisations sur l'alimentation et les boissons incitent les Belges à faire de plus en plus leurs achats en dehors de la Belgique. L'année dernière, les Belges ont dépensé 123 millions d'euros en alimentation et boissons dans des supermarchés étrangers, principalement des pays voisins. Ces achats transfrontaliers ont grimpé de 42,5% depuis 2008. La Fédération appelle enfin les autorités à un dialogue approfondi et à se pencher sur le maintien de la compétitivité du secteur. Un célèbre site pornographique vient d'ouvrir une section spécialement dédiée aux personnes malvoyantes, un concept simple mais efficace. Le site Pornhub, puisque c'est de lui dont il s'agit, ne souhaite laisser personne de côté. L'initiative peut faire sourire, mais reste tout à fait louable et de surcroît très facile à mettre en place. Comme vous allez le constater, Pornhub mise donc sur l'audio-description. Concrètement, les vidéos contenues dans la dite catégorie sobrement intitulée « Described Video » sont accompagnées d'une voix off décrivant du mieux qu'elle peut les scènes explicites qui y sont jouées ou performées, c'est selon. Après la réalité virtuelle, l'industrie du porno ne se repose décidément pas sur ses lauriers. On a des avec extraits Non, pas encore. Oh, je suis déçu, à 6h on aurait pu du coup. Hein. Effectivement, l'industrie du porno donc, ne se repose décidément pas sur ses lauriers avec la ferme intention d'offrir toujours plus de contenu à son public. Fun Radio. Grâce au Last Minute Appel, vous pouvez prendre la route dès demain dans l'une de nos voitures de stock à prix super attractif. Surfez donc vite sur opelstock.be. Sandro à l'AREA ce matin, juste après la météo, on va faire un petit point sur l'euro. On a un peu mélangé les séquences ce matin. Donc d'abord, la météo, Jean-François. La matinée fera la part belle au soleil, mais des averses orageuses viendront ensuite assombrir l'horizon. Depuis le sud, des averses très locales pourraient causer des inondations. Les maxima de température seront compris entre 15 et 19 degrés. Fun Radio, à l'heure de l'euro. Fun. L'Angleterre victorieuse sur le score de 2-1 face au Pays de Galles hier après-midi a pris la tête du groupe B devant la Slovaquie qui s'est relancée après son succès contre la Russie. Dans le groupe C, l'Irlande du Nord a battu l'Ukraine 2-0 et l'Allemagne a dû se contenter d'un partage 0-0 face à la Pologne. L'Allemagne est en tête de son groupe devant la Pologne et l'Irlande du Nord, mais tout reste possible avant la troisième journée. Seule l'Ukraine est déjà éliminée. Aujourd'hui, l'Italie affronte la Suède à 15h dans un match qui intéresse directement nos Diables Rouges. On joue également les matchs de la deuxième journée du groupe D avec République Tchèque-Croatie à 18h et Espagne Turquie à 21h. On se retrouve à 6h30 pour les prochaines infos. Tout de suite, c'est Sound & Floor sur Fun Radio avec Justin Timberlake. Fun. Fun Radio. Panos présente les feux du four. Go, ça va vite! Goûtez la famille à croquer et gagnez des tickets pour Plopsaland. Panos, le goût de chez nous. Conditions sur panos.be. Evan et la tribu, 6h-9h sur Fun Radio. Du son dance floor et de la déconne pour vous secouer dès le matin. This feeling inside my bones, it goes electric, wavy when I turn it on. Off from my city, off from my home, we're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet, I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. More like the way we rock it, so don't stop. And under the lights, when everything goes, nowhere to hide when I'm getting you close. When we move, well, you already know. So just imagine. Nothing I can see but you when you dance, dance, dance. Feel good, good creeping up on you, so just dance. I shouldn't do, but you dance, dance, dance. And ain't nobody leaving soon, so keep dancing. I can't stop the feeling, so just dance, dance, dance. I can't stop the feeling, so just dance, dance, dance. Go. Ooh, it's something magical. It's in the air, it's in my blood, it's rushing on. I don't need no reason. cause I got that sunshine in my pocket. Got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it. Moving so phenomenally. You're more like the way we rock it. So don't stop that. When you dance, dance, dance. Feel the good, good creeping up on you. So just dance, dance, dance. Come on. All those things I shouldn't do, but you dance, dance, dance. And ain't nobody leaving soon, so keep dancing. I can't stop the feeling. So just dance. Nous sommes en direct de chez Nausicaa ce matin, en direct de Boulogne-sur-Mer. C'est vendredi, vendredi 17 juin. Bonjour. Exceptionnelle ce matin sur Fun Radio puisque nous sommes en direct de Boulogne-sur-Mer. C'est donc en France, nous sommes au bord de la mer, sinon ça s'appellerait, je sais pas, Boulogne-sur-Forêt, mais pas Boulogne-sur-Mer. On a pu profiter d'un magnifique temps hier, magnifique temps que nous avons avec du soleil, 20 degrés. On a quasiment pu profiter de la plage et c'est marrant parce que c'est vrai qu'on a eu de la drache depuis Bruxelles jusqu'à Calais et puis arrivé sur Boulogne-sur-Mer, il faisait plutôt beau. Alors toute l'équipe est là ce matin à part Justine, un petit peu malade ce matin et qui est remplacé au pied levé par notre Yolande Nationale. Bonjour ma yo-yo. Hello, hello. Comment ça va ma yo-yo ce matin? Bah ça roule. Tu vas bien réveiller? Il faut bien. Bon, il y a Jean-François qui est là également, l'info, la météo. Bonjour Jean-François. Bonjour Evan. Et puis Sœur Khalid du Jambon qui est là. Bonjour mon Khalid Ounet. Salut Evan, salut tout le monde. Alors il faut savoir que Jean-François et Khalid ont partagé la même nuit. Et avant d'entamer cette émission, avant de vous expliquer exactement où on est, parce qu'on est quand même dans un lagon là, ici à Nausicaa, entouré de requins, entouré de poissons, entouré de pingouins et de manchots. Jean-François, est-ce que tu peux expliquer cette nuit d'amour avec Khalid dans la même chambre en face chez Nausicaa, ici à Boulogne-sur-Mer? Donc je vais d'abord commencer par dire que Khalid va dire que j'ai ronflé comme un camion juste après pour essayer de se défendre. Mais je rappelle quand même, j'espère un jour que tu ne mourras pas tout seul dans le sable, dans le désert, parce que donc plus d'une heure avant qu'on doive se lever, Khalid commence à faire sonner son réveil genre toutes les 10 minutes pour être sûr de se lever à l'heure. D'accord. Et donc j'ai tenu deux fois 10 minutes et puis je lui ai dit un gros mot que je ne dirai pas puisqu'on est sur antenne, mais je lui ai dit aurais-tu l'extrême obligeance et la gentillesse de couper ta sonnerie? Et je lui ai répondu de manière très, très polie et très intelligente, t'es qu'un connard, simplement. C'est pour ça que, vous savez, moi, quand je suis arrivé hier, j'ai eu la chambre en premier, j'étais tout seul avec ma chienne. Et la ensuite, négo, la négo. Quand je suis revenu dans ma chambre, Khalid s'y était installé. Et à ce moment-là, je suis à Khalid, tu sais, en ce moment, je suis un peu fatigué. Donc, ce que j'aimerais bien, c'est que tu ne mets pas le réveil tous les quarts d'heure, 2 heures avant 5 heures. Et donc, du coup, il m'a gentiment proposé d'aller dormir chez Jean-François, avec Jean-François. Ce qui était drôle, c'est quand tu m'as demandé ça, tu m'as fait comme une petite collégienne timide. Est-ce que tu veux devenir mon cavalier? C'était très mignon. J'avais simplement envie de préserver ma nuit. Et heureusement, parce qu'elle était déjà courte. Bon, en tout cas, je parle de la nuit. On sera ensemble jusqu'à 9h ce matin avec du son dance floor et de la déconne. Je vous ai calé avant 6h30 le son de Deoro. J'adore ce morceau, écoutez. Il y aura aussi du Ellie Goulding sur Fun Radio. On va se faire le son de Lilywood dans un instant. Est-ce qu'on a des prénoms à fêter ce matin, Yolande? Mais oui, on a les Hervé, les Émilie et les Régnier. Eh bien, bonne fête à vous. Alors, on va vous faire écouter un truc ce matin. C'est l'ambiance qui règne ici chez Nausicaa. Et notamment parce que vous ne l'entendez peut-être pas avec nos micros, donc on va se taire un petit peu pour vous faire écouter les cascades, le bruit de l'eau qu'il y a derrière nous. Donc, baisse un petit peu la musique, Sandro. C'est parti. Je monte un petit peu. Est-ce que vous entendez? Est-ce qu'on entend l'ambiance sonore ou pas, Sandro? Oui, un tout petit peu. Ben, c'est l'estomac de Jean-François, hein, déjà, faut savoir. Donc voilà, nous sommes en direct de chez Nausicaa. On aura plein d'invités ce matin. Et je vous invite à venir ici. On aura la chance, évidemment, de vivre plein de choses puisque le Nausicaa est ouvert pour les auditrices également qui sont venues nous rendre visite puisqu'elles ont gagné leur séjour ici. Allez, voici le son de Lilywood and the Prick. Dans un instant, on parlera des cadeaux de la semaine et notamment, on va vous envoyer pour la dernière fois aujourd'hui puisque c'est vendredi à Walibi avec vos entrées à gagner ainsi que vos Golden Pass. Et puis, autre rendez-vous, ce sera l'horoscope de l'amour et de l'amitié. On fera tout à l'heure aux alentours de 6h20. 6h-9h, c'est Evan, c'est la tribu en direct de chez Nausicaa ce matin pour se réveiller en mode tranquille. Voici Jeu Positif avec Lilywood and the Prick. You never said a word, you didn't send me no letter. Don't think I could forgive you. See, our word is slowly dying. I'm not wasting no more time. Don't think I could believe you. Yeah, you never said a word. You Il est 6h15 sur Fun Radio. Dans un instant, ce sera l'horoscope, l'horoscope de l'amour et de l'amitié pour savoir comment va se dérouler cette journée de vendredi 17 juin. Nous sommes en direct de chez Nausicaa ici à Boulogne-sur-Mer. C'est un aquarium géant. Si vous n'avez jamais eu l'occasion d'y aller avant d'écouter le son Dancefloor dans un instant de Deoro. Moi, j'ai quand même une petite peur, Yolande et Khalid, c'est qu'on est suspendu au-dessus du vide, alors sur une espèce de passerelle, hein, pour vous décrire, on va mettre des photos évidemment sur le Facebook de l'émission. Et en dessous, moi, il y a quand même un lagon avec, quand je me retourne, un requin de 1m50 de mètre qui nage pépère. Et j'ai l'impression qu'il attend à bouffer, Yolande. Je veux pas te faire peur, mais bon. Mais ça veut dire que tu vas sauter avant lui. Hein. Tu seras la première dans le bassin. Non, mais moi, je sais me battre contre les requins. Oui, mais j'ai demandé hein, qu'on nous amène une longue planche. Tu vas aller au bout et tu vas voir avec le requin qui tourne en dos. On va voir. Hein, longboard ce matin. Longboard, yes. Longboard, c'est ce qui va arriver. Bon, en tout cas, on est ravis d'être là. Il y aura plein de photos, il y aura des vidéos également, je l'espère. Et puis, vous tous qui êtes derrière la radio ce matin, c'est pour gagner de nombreux cadeaux. Puisqu'on va vous offrir ce matin de nouveau des entrées pour aller à Walibi, également des Golden Pass pour découvrir la nouvelle attraction qui s'appelle Pulsar. Et comment on s'inscrit, Yolande? Ah, ben c'est tout simple. Vous envoyez Pulsar, P-U-L-S-A-R, par SMS au 6322 pour 1€ par message. Et voilà, et si vous êtes rappelé et que vous décrochez, ce sera à 8h15 et 9h15. Vous gagnez dernière chance aujourd'hui, ce matin, et cet après-midi également, entre 17h et 20h, chez Audrey dans la Power, de repartir avec vos entrées pour Walibi et vos Golden Pass. Voici des héros qui débarquent, et juste après, l'horoscope sur Fun. Le week-end, tous les DJ sont sur Fun Radio. Faites la teuf tous les week-ends avec l'émission Dance numéro 1 en Belgique, Party Fun. Party Fun. Tous les vendredis et samedis soirs, c'est Party Fun dès 20h. Avec Oli sur Fun Radio. Fun Radio. Les plus grands DJ de la planète mixent pour vous jusqu'à 5h du matin. Avec Hardwell, Joachim Garraud, Oumet Toscan, Bob Sinclair, Nicky Romero. Les plus grands DJ mixent tous dans Party Fun sur Fun Radio. Le son Dance Floor. Dans un monde qui change, chaque supporter compte pour booster son business. Alors avec BNP Paribas Fortis, supportez les entrepreneurs près de chez vous et aidez-les à gagner leur pub sur le maillot d'Anderlecht ou une campagne média de 10 000 euros. Votez sur boostervotrebusiness.be. BNP Paribas Fortis, la banque d'un monde qui change. Avoir une nouvelle sœur ou un nouveau frère venu du bout du monde pendant un an te tente? YFU Bruxelles Wallonie recherche des familles d'accueil pour des jeunes de 15 à 18 ans venant des quatre coins du monde. Tu pourras découvrir une nouvelle culture, t'ouvrir sur le monde, lui apprendre comment tu vis ici. Ouvrez-vous au monde. Make the world your home. Contacte sans plus tarder YFU Bruxelles Wallonie. Plus d'infos, www.yfu-belgique.be 04 223 76 68. Evan et la tribu, 6h-9h sur Fun Radio. Réveillez-vous, comme vous êtes. Despacito, mami, yo sé que te va a gustar. Despacito, mami, yo sé que te va a encantar. Mueve, dale, vamos. Despacito, mami, yo sé que te va a gustar. Mueve, dale, vamos. Sabrosito, vamos a bailar. We'll be right back. Il est 6h21 sur Fun Radio, c'est Evan et la tribu, nous sommes en direct sur Fun Radio, en direct de chez Nausicaa à Boulogne-sur-Mer. Et déjà, une infotrafic vient d'être signalée par SMS au 3044, Khalid. Eh ouais, on signale un camion sur le flanc sur la E40, dans le sens Liège-Bruxelles, à hauteur de Berlo. On ne passe que sur la bande d'arrêt d'urgence, gros ralentissement. Merci à toi Romain pour l'information. N'hésitez pas à nous tenir au courant si vous voyez des radars, des bouchons et que vous voulez informer toute la communauté Fun Radio. On passera le message à tout le monde ce matin. On va dire un petit mot à Mélanie et Lucia qui nous accompagnent ce matin. Khalid, si tu veux leur faire passer un micro. On va commencer avec la grande gagnante hein, qui a remporté son séjour ici à Nausicaa, c'est Mélanie. Bonjour Mélanie, bonjour Lucia. Bonjour Evan. Comment ça va ce matin? Pas trop dur de se réveiller? Un petit peu, mais ça va. Un petit peu, on s'est couché tard, on s'est levé tôt. Alors ça, vous avez, toi et Mélanie, hein, vécu au même rythme que nous depuis hier. On a dîné ensemble, vous avez été hébergés au même hôtel. Est-ce que vous avez été dans la chambre de Jean-François les filles cette nuit? Non, vous n'avez pas voulu prendre de risques. Je vous avais prévenu qu'il fallait surtout pas rentrer. Hein. C'est un peu comme une zone anti-atomique. Il y a des endroits où il faut pas rentrer. Hein. Il y a des alertes, des alarmes. Avec toi également, Mélanie qui est là. Bonjour Mélanie. Bonjour Evan. Ça va ce matin? Oui. Bon, les filles, vous venez d'où exactement? De quel coin de Belgique? Parlez bien près du micro, Mélanie. De Ruysbroek. Très bien. Et vous faites quoi? Ok, bon bah vous restez avec nous. Finalement elles ont décidé de se lever très tôt. Je leur avais dit bon allez je vous ferai faire un jeu après 7h. Elles ont quand même décidé de venir avec nous ce matin. C'est gentil tout plein. 6h22 dans un instant, Ellie Goulding pour le son Dance Floor. L'horoscope. Et voici l'horoscope de l'amour et de l'amitié avec les béliers. Yolande. Vous êtes chaud pour de nouveaux défis, c'est l'heure de vous lancer. Les taureaux. Pas trop envie de câlin en ce moment. Demandez à votre partenaire d'être patient, ça reviendra, no stress. Les gémeaux. Ne laissez pas les soucis vous casser le moral, vous avez la force en vous pour tout surmonter. Les cancers. Vous êtes un ami sur lequel on peut compter, montrez-le à vos proches. Lion. Vous êtes des passionnés les lions, attention à ne pas vous laisser dévorer par vos émotions. Lion dévoré, jeu de mots, c'est beau. Vierge. Il faut savoir prendre des moments de détente pour ne pas craquer, relaxez-vous. Oui, j'ai compris que tu t'avais un petit peu perturbé avec tout ça. Les balances. Côté amour, c'est bien de réfléchir, mais il faut aussi écouter son cœur. Scorpion. Vous êtes plein d'énergie, utilisez-la positivement. Sagittaire. Il est temps de laisser le passé derrière vous et de vous entourer de personnes qui vous soutiennent. Capricorne. Si vous êtes en couple, il est temps de trouver un équilibre avec votre amoureux ou amoureuse. Et puis si vous êtes célibataire, c'est aussi important d'être bien avec vous-même. Les Verseaux. Ne vous mettez pas tant de pression, faites une chose à la fois et ça ira. Et on termine avec les poissons. Attention, à trop vous occuper des autres, vous risquez de vous oublier. Prenez aussi soin de vous. Ça fait peur quand même. J'ai l'impression que Yolande était en mode comédienne avec cette horoscope ce matin. J'ai adoré quand elle s'est mise en mode il exotique. Attention. 6h24 sur Fun Radio, bonne journée. L'horoscope. Avant, je me trouvais dans un rasoir. Et moi, j'étais dans une radio. Et maintenant, nous sommes relégués au grenier. Au grenier, quoi. Rapportez plutôt vos piles usagées dans un point de collecte Bébat, car Bébat leur donne une nouvelle vie. Même une seule pile fait la différence. C'est ce que nous appelons l'effet papillon chez Bébat. Bébat. Recycler ensemble, c'est mieux pour la nature. Vous voulez voir Thibaut plonger sur un grand écran? Voir Kevin dribbler en High Dynamic Range? Voir Christian marquer en Ultra High Definition? Les Belges sont prêts pour le foot. Et nous aussi chez Vandenborre, avec les toutes dernières technologies pour la meilleure expérience visuelle. Venez choisir votre TV et emportez-la directement. Ou faites-la vous livrer dans les 2 heures. Ou commandez-la aujourd'hui sur vandenborre.be et elle sera livrée et mise en service gratuitement demain. TV, multimédia, électro. Vandenborre, la confiance. Dans un monde qui change, chaque supporter compte pour booster son business. Alors avec BNP Paribas Fortis, supportez les entrepreneurs près de chez vous et aidez-les à gagner leur pub sur le maillot d'Anderlecht ou une campagne média de 10 000 euros. Votez sur boostervotrebusiness.be. BNP Paribas Fortis, la banque d'un monde qui change. Du lundi au vendredi à 19h40 sur Plug RTL, touche pas à mon poste. Vous avez déjà embrassé un mec direct comme ça que vous connaissiez pas? Non. Eh ben allons-y. Gros délire et buzz au quotidien, orchestré par Cyril Hanouna. Bim bam boum, ça met la patata spitas, hein. Arrête de se renifler comme un taureau. Y a pas de limite ici. Arrête. Est-ce que je peux changer de place? Touche pas à mon poste. Du lundi au vendredi à 19h40. Plug RTL. Vous écoutez Fun Radio. Fun Radio. Le son d'Elfleur. Time to make the club go up.

Il est 6h32 sur Fun Radio, nous sommes en direct de chez Nausicaa ce matin, en direct de Boulogne-sur-Mer, aquarium géant, il y a des requins autour de nous, et c'est vrai, hein, c'est pas du mytho, quand vous allez voir les photos sur le Facebook de l'émission Evan et la Tribu, franchement, on est pas rassurés. Non mais c'est vrai, c'est beau, on voit les requins du haut là. Dans un instant, on va se faire le son de Alesso et Nico sur Fun Radio, et puis on lira tous vos messages par SMS au 3044, sur le Snapchat de l'émission et sur le Facebook de l'émission. Les petits coucous du matin qu'on se fait toujours aux alentours de 6h35 sur Fun. D'abord, on s'informe et c'est avec Jean-François, l'info, la météo, l'infotrafic. Bonjour Jeff. Bonjour Evan, bonjour à tous. En 2015, le nombre de jours de grève a chuté par rapport aux années précédentes. L'an dernier, la Wallonie a enregistré deux fois plus de jours de grève que le reste du pays. Au total, ce sont 207 563 jours de grève exactement qui ont été comptabilisés en Belgique, soit presque quatre fois moins qu'en 2014, année de l'arrivée au pouvoir du gouvernement Michel. Et en deçà aussi des 383 206 jours de 2011, l'an dernier, deux fois plus de jours de grève ont été enregistrés en Wallonie, les provinces de Liège et du Hainaut totalisent la majorité de ces jours de grève. Toutefois, en 2014, la grève s'était principalement concentrée en Flandre, avec alors 100 000 jours de grève de plus qu'en Wallonie. Les syndicats de police se sont entretenus hier avec la directrice de l'organe de coordination pour l'analyse de la menace et un représentant du cabinet du ministre de l'Intérieur. Après l'assassinat d'un couple de policiers en France et l'avertissement sur des attentats imminents relayés par plusieurs médias, ils ont manifesté leur inquiétude quant à la sécurité des policiers. Ils ont aussi exposé leurs revendications, notamment concernant le port d'armes permanent et les mesures de sécurité qui doivent être appliquées indépendamment de la hausse ou de la baisse du niveau de la menace. La réforme des titres et fonctions dans l'enseignement qui entre en application en septembre génère l'inquiétude des professeurs. Des centaines d'entre eux sont d'ailleurs incertains de leur avenir. Certains professeurs qui donnaient un cours depuis des années risquent d'être tout simplement exclus de la réforme ou de perdre une partie de leur salaire n'ayant plus de titres requis. La commission interréseau des titres de capacité a été chargée d'évaluer le nombre de recours. Les réunions se multiplient les prochains mois, mais des centaines d'enseignants ne seront donc pas fixés sur leur sort avant l'été. La ministre de l'Éducation Marie-Martine Schintz cherche à assouplir temporairement les règles en multipliant les décrets et également les amendements. Plus de 8 Belges sur 10 s'arrêtent en chemin pour se reposer lorsqu'ils partent en vacances. Les Belges sont donc bons élèves, mais ils perdent des points parce qu'ils ne se reposent pas assez tôt. Leur pause n'intervient en effet qu'après en moyenne 2h54 de route, alors qu'il est conseillé de s'arrêter toutes les 2 heures. Ouais. Quelques 81% des Belges se couchent plus tard ou se lèvent plus tôt qu'à leur habitude lorsqu'ils partent en vacances. Ouais. C'est plus qu'aux Pays-Bas et qu'en Allemagne. Toutefois, ils sont 82% à effectuer des pauses lors de leur trajet, contre 56% en moyenne dans les autres pays européens, ce qui place quand même la Belgique parmi les bons élèves. Mais j'ai bien vu, toi, que par exemple, hier, t'as fait Bruxelles, Nausicaa, Boulogne-sur-Mer sans t'arrêter d'une traite. C'était pas très prudent, hein. Si, je me suis arrêté puisqu'on a eu un contrôle de police. Donc, ça compte pas. Voilà. Sachez enfin qu'un accident sur 5 sur les autoroutes françaises durant les vacances d'été est dû à un sous-gonflage des pneus. Prenez donc vos précautions. Fun Radio, à l'heure de l'euro. L'Angleterre, victorieuse sur le score de 2-1 face aux Pays-Bas hier après-midi, a pris la tête du groupe B devant la Slovaquie, qui s'est relancée après son succès contre la Russie. Dans le groupe C, l'Irlande du Nord a battu l'Ukraine 2-0. L'Allemagne a dû se contenter d'un partage 0-0 face à la Pologne. L'Allemagne est en tête de son groupe devant la Pologne et l'Irlande du Nord. Seule l'Ukraine est d'ores et déjà éliminée. Aujourd'hui, l'Italie affronte la Suède à 15h dans un match qui intéresse directement nos Diables Rouges. On joue également les matchs de la deuxième journée du groupe D avec le match République Tchèque-Croatie à 18h et Espagne-Turquie à 21h. La météo, Jean-François. La matinée fera la part belle au soleil, mais des averses orageuses viendront ensuite assombrir l'horizon depuis le sud. Des averses très locales pourraient causer des inondations. Les maxima seront compris entre 15 et 19 degrés. L'alternance demeurera le mot d'ordre du week-end, avec des températures à la mi-journée proches de 17 degrés. Prochain rendez-vous de l'info à 7h, et tout de suite, c'est Alesso sur Fun Radio. Taré comme jamais, tous les matins, 6h-9h, Evan et la Tribu sur Fun Radio. Signs and I see other guys get 6h39 sur Fun Radio, nous sommes vendredi le 17 juin, c'est en direct de chez Nausicaa que nous sommes ce matin, en direct de Boulogne-sur-Mer, bord de l'eau, voilà, on est très bien ici et notamment au bar du lagon, hein, au-dessus d'un lagon, il y a des requins qui nagent ce matin et ça fait froid dans le dos, mais sachant que nous sommes 4 ou 5 dans l'équipe ce matin, après être passé dans le lagon, il n'y aura plus que 1, voire 1 et demi, ça dépend de ce que voudront bien nous laisser les requins sur le calibre du jambon. Ah oui, je pense que j'ai vraiment une douce envie de pousser Jean-François, je peux pas. Ouais, surtout que chez Jean-François et Yolande, il y a à bouffer. Hein. Oh les requins, ils en ont. Il y a que de l'amour à bouffer. Oui, c'est pour ça que je dis, mais attention, je suis le premier à revendiquer le fait d'être un petit peu potelé, car ça représente l'amour et la sensualité. Drake, dans un instant, sur Fun Radio pour le son Dance Floor. Comment je l'ai dit, ouais. Ça veut rien dire, en fait. C'est une façon de dire que c'est mignon. Ah bon ? Ouais. C'est potelé égale mignon ? Potelé égale mignon pour moi, ouais. Bah, tu es très très mignon. Merci. Message arrivé par SMS 3044. Il y a Steve qui fait une dédifun. Ça fait longtemps que j'ai pas entendu ce terme. Karine qui est du côté de Had ce matin. Il y a Yolande qui lit vos messages sur le Snapchat de l'émission Evan et la Tribu. Il y a Elise qui nous envoie une photo d'elle en petit chat. Elle dit je vous adore, Evan et la Tribu. Il y a Leroux qui nous dit bon déjeuner, les rondelles. Et il nous envoie des photos de crêpes, le sadique. Ah ouais. Et puis on a aussi Carotte qui fait en route pour le boulot. Gros bisous à tous, bande de tarés. Merci pour vos messages sur le Snapchat de l'émission. On lit également vos températures qu'il y a un petit peu partout. Vous êtes comme chaque matin nos envoyés spéciaux, hein, pour savoir quel temps il fait partout en Wallonie. Ici à Boulogne-sur-Mer ce matin, temps couvert mais doux, très agréable et pas de pluie. Et alors donc du côté de Bruxelles il fait 13 degrés, c'est Natou qui nous annonce ça. Freddy nous signale 12 degrés sur Namur, 13 petits degrés du côté de Tournai. Merci à toi Nathan. Et alors Wendy nous signale 14 degrés à Serein. On va faire la phrase Facebook avant de recevoir notre premier invité du jour en direct de chez Nausicaa. Phrase Facebook du jour, Khalid. Le bébé, c'est le fruit de l'amour. Bah non, en fait, hein, ça colle et ça pue, et le bébé aussi. Bravo à tous les parents qui nous écoutent ce matin. Phrase Facebook du jour signée Sœur Khalid du Jambon. Vous la retrouvez sur le Facebook de l'émission Evan et la Tribu. Allez, 6h41, on va envoyer le son de Drake ce matin, du son Dance Floor, de la déconne comme tous les matins entre 6h et 9h. Nous sommes en direct de chez Nausicaa. Et dans un instant, on va recevoir notre premier invité. C'est quelqu'un qui connaît bien les coulisses de chez Nausicaa, où nous sommes en direct ce matin jusqu'à 9h. On jouera également tout à l'heure aux 5 secondes chrono. Et puis rafler un peu plus tard vos entrées et vos Golden Pass. Direction Walibi. Grips on your waist, front way, back way. You know that I don't play. Street's not safe, but I never run away. Even when I'm away. OT, OT, there's never much love when we go OT. I pray to make it back in one piece. I pray That's why I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. Strength and guidance, All that I'm wishing for my friends. Nobody makes it from my ends. I had to bust up the silence. You know you gotta stick by me. Soon as you see the text, reply me. I don't wanna spend time fighting. We got no time and that's why I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. Il est 6h44 sur Fun Radio. Dans un instant, il y aura le son de Rizza pour aller jusqu'à 7h. 7h les infos, la météo et l'infotrafic. Ça sera avec Jean-François, SMS 3044. Nous sommes en direct ce matin de chez Nausicaa. Et mon premier invité ici dans cet aquarium géant, ce n'est pas un requin qui est juste derrière nous, mais c'est David. Bonjour David. Bonjour. Bienvenue à toi. Alors David, si je peux décrire un peu ce que tu fais ici chez Nausicaa. Toi, c'est toi qui vas préparer avec toutes tes équipes toute l'exposition ici pour que tout soit propre, tout soit nickel. Et pour faire rêver nos auditeurs, au quotidien dans ton travail, quels sont les animaux de la mer que tu côtoies tous les jours? Donne quelques exemples de ces moments où tu travailles chez Nausicaa et des animaux que tu côtoies au quotidien. Quelques exemples. Oui, effectivement, nous avons nos petites préférences ici à Nausicaa. Donc notamment les manchots et les lions de mer. Ouais. Car ces animaux, nous avons la chance de pouvoir les découvrir dès le matin et jouer avec eux en faisant les vitres. Ah ouais, ils jouent avec toi? Ah tout à fait, c'est hyper sympa à voir. Ah ça c'est cool. Et ensuite, est-ce que par exemple, le requin qui est juste derrière nous là au lagon, lui quand tu fais les vitres, il s'en fout, il te regarde pas? Il s'en fout complètement et on évite de jouer avec. Même pas un big up. Alors ça représente combien de surface à nettoyer ici chez Nausicaa tous les jours? Bon, nous avons une surface totale de 4000 m2, donc... Ah, est-ce que... Bah, tu vois, Khalid, il fait le ménage, il a un 30 m2, c'est toujours pourri dans son studio. On va peut-être lui montrer comment on peut s'en occuper, je peux envoyer une équipe. Mais en tout cas, chez moi, dans mes toilettes, il y a beaucoup de raies. D'accord, ça marche. Un peu de pilosité aussi. Donc vous êtes combien dans l'équipe à essayer de préparer Nausicaa pour que tous les jours, les visiteurs puissent être bien accueillis ici? Tous les matins, nous sommes une équipe de 10 personnes, dont 2 laveurs de vitres. D'accord, et vous commencez à quelle heure? 6h le matin. Ah oui, ah oui, y a un truc, Khalid et Yolande, pourquoi ils parlent si bien des vitres ici? C'est parce qu'avec les visiteurs, forcément, entre les doigts, le nez, les gens qui mettent le front à la vitre, etc. J'imagine qu'on voit que les gens ont souvent le visage gras, plein de sébum. Ah oui, c'est sûr, oui. Mais, et c'est quoi le truc le plus chelou que vous avez trouvé sur les vitres un jour, que vous avez eu à nettoyer? Le pire truc? Pire truc, entre la mayonnaise, ça je le passe. Ah oui. T'es sûr que c'était de la mayonnaise? Les graffitis. Ah, les mecs, il faut non, les graffitis. Faut vraiment sympa, être con hein, pour faire des graffitis chez Nausicaa alors que c'est tellement mignon. Et le truc, le pire, il peut pas le dire. Je vois à sa tête, David. C'est vrai? Oh non, nous avons rien retrouvé de spécial, sauf dans les toilettes. Oh d'accord. Ah. Ça, c'était Jean-François à l'info. 6h46 sur Fun Radio. Quand Jean-François est passé aux toilettes, ils ont nourri les requins pendant 2 mois. On revient dans un instant après le son de Rizza sur Fun Radio en direct de chez Nausicaa ce matin. Tous les samedis, 18h à 20h, c'est la Fun List avec Oli sur Fun Radio.

je m'en fous. Plus rien ne me blesse. Tu perds ton temps, tu me testes. Mais moi, je m'en fous. Et au fait, non, je ne retourne pas ma veste. Que tu partes ou tu restes, finalement, je m'en fous. Je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous. Laisse-moi, va faire un tour. J'entends plus, je fais le sourd. Je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous. Laisse-moi, va faire un tour. Pourquoi tu me tournes autour? Je m'en fous. Je m'en fous. Je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous. Laisse-moi va faire un tour. J'entends plus, je fais le sourd. Je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous. Laisse-moi va faire un tour. Tu me tournes autour. Laisse-moi faire mes affaires. Je te laisse faire des efforts. Quitte à tout foutre en l'air. Ouais, au fond, je m'en fous, rien à faire. Tu as raison, oui, j'ai tort. Moi, je préfère me taire. Ouais, au fond, je m'en fous. Il est 6h54 sur Fun Radio, nous sommes en direct de chez Nausicaa ce matin et nous avons dans un instant le nouveau Lost Frequencies qui va débarquer avant 7h. Une info trafic sur Khalid du Jambon, on en avait déjà parlé ce matin assez tôt, et ben ça a évolué un petit peu sur les routes. Oui bien sûr, donc pour rappel c'était sur la E40 direction Liège-Bruxelles. Et donc Romain nous resignale, donc il faut éviter absolument la sortie Berlot sur l'autoroute parce qu'ils l'ont fermée suite au camion qui a eu un petit accident sur place. Donc c'est 35 minutes pour faire 100 mètres, c'est vraiment compliqué, donc prudence à vous, évitez absolument la sortie Berlot. Et donc l'autoroute est fermée ce matin, c'est ce qu'on apprend, ouais. Donc faites bien attention, comme ça essayez d'anticiper un max de vos trajets. Et si vous voulez nous informer en temps réel de ce qui se passe sur les routes, SMS 3044. Nous sommes en direct de chez Nausicaa ce matin avec les auditrices Lucia et Mélanie qui nous accompagnent, qui ont gagné leur séjour avec nous ici, qui vont passer encore la journée chez Nausicaa puisque c'est hyper grand à visiter. David qui est quelqu'un qui s'occupe de l'entretien ici, notamment des vitres, parce que les visiteurs forcément collent leur visage sur les aquariums, notamment les enfants. Donc il fait parfois les vitres beaucoup. On est juste au-dessus de... C'est quoi, on appelle ça le lagon, David? C'est quoi ce qu'il y a derrière nous? Oui, le lagon et le bassin des requins. D'accord. Alors, le bassin des requins, ils sont combien là? Parce que moi, j'en ai vu qu'un requin nager à chaque fois. Les autres, ils sont partis où? Ils dorment encore? Ils étaient en after? Ah, peut-être il y a encore tout. C'est vrai. Voilà, c'est quoi les types d'espèces qu'il y a derrière nous? C'est juste pour faire rêver nos auditeurs, pour qu'ils imaginent quand même dans quel cadre on fait de la radio ce matin. David, tu les connais pas toutes? Non, pas toutes, non. Ingrid, mon amour, est-ce que tu peux te... C'est la responsable de communication. Oui, je l'appelle mon amour, c'est voilà, on est un peu plus intime depuis hier. Bonjour Ingrid, ça va ce matin? Oui, ça va et toi? Ça va bien. Alors, je demandais c'était quoi les espèces qu'il y avait derrière nous, en gros. Alors, à part les requins. Juste en dessous, c'est des espèces indo-pacifiques. Indo-Pacifique, donc ils font jamais la guerre. Elle est pour moi, ils nagent sur le dos. Oui. Et puis donc on va avoir des poissons papillons, des poissons clowns comme Nemo. Ouais. Et puis au fond, en fait, ce sont des requins. Donc on en a 12. Il y a des requins taureaux, requins nourrices et requins gris. D'accord. Quel est, tu voulais dire? Il y en a un, j'en ai vu, il a les dents super longues, c'est le requin huissier apparemment. C'est ça? Il est déjà arrivé de venir chez toi plusieurs fois. C'est pas la jeune. Non, excuse-moi, en fait, il a fait le poisson clown là, sans qu'il y ait des jambons. C'est pour ça. Il a fait Dory. Ouais. C'est ça. Restez avec nous, on va revenir dans un instant. David, tu restes un petit peu avec nous encore, ça va? Ça va? D'accord. Faire de la radio avec nous ce matin, 6h57, on envoie le nouveau son de Lost Frequency sur Fun Radio. On jouera aux 5 secondes chrono tout à l'heure avec Mélanie et Lucia qui nous accompagnent ce matin, ici en direct de chez Nausicaa. Et puis pour le petit-déj gratos, on sera dans quel coin ce matin? On sera du côté de Grivenier. Grivenier, c'est ça? Oui, Grivenier, région de Liège. Parfait, une région liégeoise pour le petit-déj gratos. On vous révélera l'adresse aux alentours de 7h05. Écoutez bien, c'est le nouveau Lost Frequencies maintenant sur Fun Radio. Anywhere you want to go, I follow. Mountain high and river low, I follow. Sur Fun Radio, c'est Evan, c'est la tribu. En direct sur Fun Radio, nous sommes en France ce matin et en direct sur le territoire belge depuis Boulogne-sur-Mer. C'est un petit peu en dessous Dunkerque, un petit peu en dessous de Calais. Voilà, comme ça, vous êtes à peu près situés géographiquement. On est en direct de Nausicaa ce matin avec plein d'invités, également des auditrices Mélanie et Lucia qui nous accompagnent. On jouera aux 5 secondes chrono dans quelques instants sur Fun Radio. Et puis rappelons qu'il y a à vous offrir, Yolande, des entrées pour aller direction Walibi. Aujourd'hui avant 9h, également des Golden Pass, notamment pour découvrir la nouvelle attraction qui s'appelle Pulsar. Comment on joue, Mayoyo? C'est tout simple, vous envoyez Pulsar par SMS, donc P-U-L-S-A-R, au 6322 pour 1€ par message. Bonne chance à vous. Si je rappelle chez vous tout à l'heure aux alentours de 8h15 et vers 9h et que vous décrochez, ça c'est impératif, vous gagnez, sinon je laisse un petit message sur votre répondeur et dans ces cas-là, c'est perdu. Nous sommes vendredi le 17 juin, c'est Evan, c'est la tribu en direct de Nausicaa, il est 7h. Fun Radio. Luminus soutient votre énergie pour les Diables Rouges. Encouragez-les via le hashtag 12e Diable. Luminus, à votre service. Enrique Iglesias, c'est ce qui arrive pour la suite du son Dance Floor et en direct de chez Nausicaa. Maintenant, c'est l'heure de s'informer avec Jean-François. Salut Jeff. Bonjour Evan, bonjour à tous. Tous les yeux des Diables sont tournés vers le match Italie-Suède qui se joue cet après-midi à 15h à Toulouse. Le résultat de ce duel est évidemment très important pour les Belges à la veille du match qu'ils joueront demain à 15h face à l'Irlande. Battu par les Italiens, les Diables rêvent sans doute de voir la squadra azzurra s'imposer face à Zlatan Ibrahimovic et ses équipiers. Du côté des Belges, Kevin De Bruyne et Eden Hazard ont repris les entraînements près de 2 jours de repos suite à des douleurs ressenties au lendemain du match contre l'Italie. On joue également des matchs de la deuxième journée du groupe D avec République Tchèque-Croatie à 18h et Espagne-Turquie à 21h. Chez nous, la réforme des titres et fonctions dans l'enseignement qui entre en application en septembre génère l'inquiétude des professeurs. Des centaines d'entre eux sont en effet incertains de leur avenir. Certains professeurs qui donneraient des cours depuis des années risquent d'être exclus de la réforme ou de perdre une partie de leur salaire n'ayant plus le titre requis. La commission interréseau des titres de capacité a été chargée d'évaluer le nombre de recours. Les réunions se multiplieront dans les prochains mois, mais des centaines d'enseignants ne sont donc pas fixés sur leur sort avant l'été. Le ministre de l'Éducation, Marie-Martine Marchin, cherche à assouplir temporairement les règles en multipliant tous les décrets et les amendements. L'enquête judiciaire sur le piratage de grande ampleur, dont Belgacom, aujourd'hui Proximus, a été victime, ne sera pas suivie de poursuite. Et ce, en dépit des pistes évidentes qui mènent au service d'espionnage britannique. Des sources proches du dossier ont confirmé que l'enquête en cours ne se traduirait pas par des poursuites pénales contre des auteurs identifiés. La Sûreté de l'État n'a jamais réussi à vérifier quelles informations avaient précisément été subtilisées auprès de Belgacom à l'époque. En septembre 2013, le piratage d'une filiale de Belgacom était révélé par un département des services secrets britanniques. Suite à la plainte de Belgacom, la justice belge avait ouvert une enquête, mais celle-ci s'avère désormais être dans l'impasse. En 2015, les achats alimentaires transfrontaliers des Belges ont augmenté de près de 7%. Les coûts salariaux élevés et le nombre de taxes ainsi que les cotisations sur l'alimentation et les boissons incitent les Belges à faire de plus en plus leurs achats en dehors de la Belgique. L'année dernière, les Belges ont dépensé 123,4 millions d'euros exactement en alimentation et boissons dans des supermarchés étrangers, principalement des pays voisins. Ces achats transfrontaliers ont grimpé de 42,5% depuis 2008. La Fédération appelle enfin les autorités à un dialogue approfondi et à se pencher sur le maintien de la compétitivité du secteur. Un petit mot enfin pour vous parler du secret d'un amour qui dure. Eh bien, tout simplement, il faut faire l'amour une fois par semaine. C'est en tout cas le résultat d'une nouvelle étude sur le sujet. Le faire davantage ne rendrait pas plus heureux. En revanche, moins d'une fois par semaine serait insuffisant. C'est le Daily Mail qui a demandé à 3 couples de tester le sexe une fois par semaine durant 6 semaines. Pendant toute la période de test, les partenaires devaient noter l'impact de cette nouvelle attitude sur leur mariage. Leurs conclusions sont assez édifiantes. Les 3 couples ayant admis avoir retrouvé une vie beaucoup plus sereine depuis cette expérience. Vous savez donc ce qu'il vous reste à faire. Exactement, hein Yolande, hein Yo-Yo. Grâce au Last Minute Opel, vous pouvez prendre la route dès demain dans l'une de nos voitures de stock à prix super attractif. Surfez donc vite sur opelstock.be. La météo, Jean-François, pour ce vendredi, est-ce que ça va enfin s'améliorer? Est-ce que le week-end sera beau? Pas encore tout à fait, Van, puisque la matinée fera la part belle au soleil, mais des averses orageuses viendront ensuite assombrir l'horizon depuis le sud du pays. Les maxima de température restent relativement frais, avec 15 à 19 degrés. Et puis l'alternance va demeurer le mot d'ordre du week-end, avec des températures à la mi-journée qui seront proches des 17 degrés. Le prochain rendez-vous de l'info, c'est à 7h30, et tout de suite, c'est Enrique Iglesias sur Fun Radio. Fun Radio. Panos présente les feux du four. Oh, ça tourne, hein, Donut. Goûtez la famille à croquer et gagnez des tickets pour Plopsaland. Panos, le goût de chez nous. Conditions sur panos.be. Retrouvez toutes vos émissions préférées dès maintenant sur Facebook, Twitter et Instagram. Vivez, partagez et communiquez avec vos animateurs préférés toute la journée. Partout, tout le temps. Connectez-vous dès maintenant sur la page officielle de Fun Radio. Et likez les pages de vos émissions préférées pour ne rien rater. Fun Radio, chaque jour plus proche de vous. Fun Radio, le son dance floor. Evan et la tribu, 6h-9h sur Fun Radio. Solo en tu boca, yo quiero acabar. Todos esos besos que te quiero dar. A mí no me importa que duermas con él, porque sé que sueñas con poderme ver. Mujer, ¿qué vas a hacer? Decídete pa' ver si te quedas o te vas. Si no, no me busques más. Si te vas, yo también me voy. Si me das, yo también te doy. Yo te haré acabar ese sufrimiento que te hace llorar. A mí no me importa que vivas con él, porque sé que mueres con poderme ver. Mujer, ¿qué vas a hacer? Decídete pa' ver si te quedas o te vas. Si no, no me busques más. El frío, te vas conmigo. que un río. Tal vez te da dinero y tiene poderío, pero no te llena, tu corazón sigue vacío. Pero conmigo rompe la carretera, bandoleras en tu vida y algo que no sirve, sácalo pa' afuera. A ti nadie te frena, la super guerrera. Yo sé que tú eres una fiera, dale, sácalo pa' afuera. Si te vas, yo también me voy. Si me das, yo también te doy. Solo con un beso yo quiero acabar ese sufrimiento que te hace llorar. Bonjour à vous les amours, c'est Evan, c'est la tribu tarée comme jamais ce matin, 7h08 en direct de chez Nausicaa à Boulogne-sur-Mer. Nous sommes vendredi le 17 juin. Evan et la tribu, c'est sur Fun Radio, de 6h à 9h, une bande de déconneurs. Evan et la tribu, c'est sur Fun Radio, et ça fait Et vous savez quoi, j'en connais une qui a pas de chance ce matin parce qu'elle rêvait de nous accompagner chez Nausicaa à Boulogne-sur-Mer, aquarium géant qui fête ses 25 ans cette année. Nausicaa, il faut absolument découvrir cet endroit. Nous sommes là comme dans une forêt tropicale au-dessus d'un lagon avec en dessous de nous des requins qui sont en train de nager. Sans déconner, c'est surréaliste de faire de la radio comme ça et c'est un vrai bonheur. Donc on pense à Justine qui est au fond de son lit, qui est toute malade. Yolande est là pour la remplacer au pied levé. Bonjour Mayoyo. Hello, hello. Bonjour Jean-François à l'info, la météo. Bonjour Evan. Bonjour Khalid également qui est là ce matin, sœur Khalid du jambon. Salut tout le monde. Alors toi tu veux absolument monter dans une barque pour pas nager parce que tu reviendras pas. Mais tu voudrais filmer les requins du haut et t'es en train de négocier avec nos copains de chez Nausicaa pour le faire. T'es un petit peu foufou quand même hein. Non mais le pire c'est que je suis descendu dans l'aquarium. C'est impressionnant. C'est-à-dire, les requins sont vraiment gros? Bah, disons qu'ils sont presque à hauteur des pieds. Et quand ils sont tout près, ça fait flipper. Bon, bah, en tout cas, on va faire des choses avec les requins. Je rappelle que on va dire à Ingrid, la responsable de la communication, de prendre le micro juste deux petites secondes. Je rappelle que j'ai fait demande par mail à Ingrid en lui disant, est-ce qu'il est possible qu'on aille nager avec les requins? Et j'ai mis Khalid est suicidaire entre parenthèses. Tu te souviens? Oui. Mais donc, j'ai essayé de vous en dissuader. Mais pourquoi on peut pas, en fait? Parce que ils sont vraiment dangereux, ils nous attaquent. Non, c'est juste une question de service vétérinaire. Ah, le microbe. Ah oui, voilà. Tu savais que Khalid n'était pas très très propre au niveau de l'hygiène, et donc tu t'es dit, je veux pas que les... Dans le doute, en fait. Dans le doute, t'as raison, il vaut mieux s'abstenir. Voilà. Je suis d'accord avec toi. Mais sérieux, par contre, vous avez forcément des soigneurs qui vont nager avec les requins. Oui, en fait, tous nos soigneurs sont plongeurs, et ils vont deux fois par semaine nettoyer les vitres de l'intérieur, et David fait l'extérieur. Quand t'es avec ton Ajax vitre dans l'aquarium avec le requin, tu dois pas être très fier quand même. Hein. Je veux dire, tu dois pas emmener large hein, pour laver les vitres. Hein. C'est ça. C'est vrai qu'ici, dans les gens qui font le ménage, c'est celui qui va laver les vitres avec le requin, c'est celui qui est puni. C'est ça. Non, celui qui est puni, c'est celui qui va laver les anguilles électriques. Bon, en tout cas, merci de nous recevoir, Ingrid, ce matin. Avec grand plaisir. On est avec David, alors qui lui s'occupe également de l'entretien. David, est-ce que tu peux rappeler ce que tu fais tous les matins avec. Avec beaucoup de personnes qui t'accompagnent pour faire en sorte que les visiteurs soient bien reçus. Il y a quand même plus de 600 000 visiteurs qui passent ici, mon David. Oui, donc tous les jours, nous procédons au nettoyage complet du centre, toute la partie exposition, afin de rendre un confort de visite aux visiteurs impeccable. Alors, on peut rappeler aux visiteurs que s'ils viennent chez Nausicaa, ne mettez pas votre bouche, votre nez, votre front sur les vitres pour voir de plus près les animaux. D'abord, ça ne marche pas, vous ne les voyez pas de plus près. Et puis ensuite, ça fera un peu moins de boulot pour David, responsable. Tu restes un petit peu avec nous, David. Dans un instant, on va jouer aux 5 secondes chrono. Je ne sais pas si tu connais le jeu. Non. Alors, c'est un jeu très simple, c'est avec Méga Bleu. Il faut citer 3 choses en moins de 5 secondes chrono. Et tu joueras avec Lucia et Mélanie, qui sont les auditrices qui nous accompagnent aujourd'hui à Boulogne-sur-Mer. Pour la suite du son Dance Floor, il y aura Bob Sinclair qui débarque dans un instant. Il y aura également le son de souffle, c'est le son de l'été. Mayoyo, est-ce qu'on a des prénoms à fêter aujourd'hui en ce vendredi 17 juin? Ok, oui, on a les Hervé, les Émilie et les Régnier. Eh bien, bonne fête à vous, bon anniversaire si vous êtes né un 17 juin. Rappelle-nous ce qu'il y a à gagner aujourd'hui d'ici 9h, Yolande. Alors, il y a des Golden Pass et aussi des entrées pour aller voir la nouvelle attraction Pulsar à Walibi. Alors, les Golden Pass, c'est quoi le principe exactement? Oh, bah, c'est vous avez accès toute l'année quand vous voulez, tranquille. Vous y allez quand vous voulez, par exemple, les jours où il y a le moins de monde, c'est ça qui est cool, vous savez, évite de faire des files d'attente. Donc, pour jouer avec nous, c'est très simple, pas besoin de répondre à une question, il suffit simplement de vous inscrire par SMS. Oui, vous envoyez Pulsar, P-U-L-S-A-R, par SMS au 6322 pour 1€ par message. Bonne chance à vous avant d'écouter Bob Sinclair, il est l'heure de manger sur Fun Radio. Petit-déj gratos sur Fun Radio. Non, on ne mange pas les requins, ici ce sont les requins qui mangent les hommes, et ils ont bien raison. Virginie est avec nous, bonjour Virginie. Ça va? Oh, bonjour ma doudou, on est où ce matin, dans quelle ville? On est à Grébiers, sur Liège. Alors, dans la région liégeoise, et tu sais que j'ai une affection particulière pour les hauts liégeoises, Virginie. Dans quelle ville nous sommes, je l'ai dit, quel est le nom de ta boulangerie? Au Péché Mignon. Au Péché Mignon. Et ça fait 2 jours de suite qu'on a du Péché Mignon, les gars. Oh, c'est sympa, hier, ça. C'était le Péché Mignon de Goethe, c'était à Arlon, et là, c'est le Péché Mignon fait, de Grévenier. Elle sert ses coucs toutes nues, c'est mignon, ça. C'est pas mal. C'est sympa, Virginie. Merci beaucoup. Je vais venir à quoi que Boulogne-sur-Mer, Grévenier, il y a un petit peu de temps quand même. Virginie, qu'est-ce que tu offres ce matin aux auditeurs qui viennent te voir de la part de Fun Radio? On offre un pain au chocolat. Très bien, le rendez-vous est pris, c'est jusqu'à 10h, petit déj gratos, direction Grévenier. Rappelle-nous l'adresse de ta boulangerie, s'il te plaît, Virginie, l'adresse pour que je rentre, par exemple, dans le GPS. Rue Docteur Bordet, numéro 12. Très bien, rue Docteur Bordet, numéro 12, à Grévenier. Et c'est à Grévenier. Gros bisous, ma Virginie, je t'embrasse, merci pour le petit déj gratos. Dans un instant, en direct de chez Nausica, on va jouer aux 5 secondes chrono avec nos auditrices Mélanie et Lucia qui nous accompagnent, et David qui travaille ici chez Nausica, juste après le son de Bob Sinclair. Bon réveil sur Fun Radio. écoutez Fun Radio, merci de commencer la journée avec nous. On salue Ludovic qui nous écoute, qui nous laisse un message sur Facebook ce matin. Je vais saluer également Nathalie et Timéo. Timéo, j'ai été déjeuner avec eux voilà, hier du côté de Tournai. Ils m'ont invité à déjeuner. Voilà, Timéo souhaitait me rencontrer. On a eu l'occasion hein, pendant que je faisais Bruxelles-Boulogne-sur-Mer, puisqu'on est en direct de Nausicaa, de chez Nausicaa ce matin. Je me suis arrêté du côté de Tournai. Et merci pour le petit repas chinois qui était excellent. On salue Virginie qui est la boulangerie de Virginie de Grivenier. La boulangerie de Virginie. Virginie qui offre le petit déj gratos ce matin. Et avant d'écouter le son de Souf, Yolande, il y a un message qui est arrivé en flamand par SMS au 3044. Mais je ne suis pas trilingue. Donc est-ce que tu. Regarde, il est là. Regarde, tu l'as sous les yeux là. Regarde. Est-ce que tu peux me le traduire s'il te plaît? S'il a un intérêt, évidemment. Hein. Alors, de l'intérêt, non, parce que et maintenant, on doit encore déménager des trucs aujourd'hui. Eh bien voilà, c'est un flamand qui me dit eh ben, on doit encore déménager des trucs aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi il m'a envoyé ça. Peut-être parce qu'il a simplement besoin d'un coup de main. Nous sommes en direct de chez Nausicaa. On a David qui est avec nous. Dans un instant, il va combattre contre Lucia et Mélanie au jeu des 5 secondes chrono. Nous sommes ici entourés de requins, de manchots, de poulpes géants du Pacifique, de tortues, de caïmans à lunettes, un petit peu te ressemblant, Mayoyo. Eh oui, mais ils sont glamour alors. Rappelle-nous ce qu'il y a à gagner toute cette semaine, Yolande. Il y a des Golden Pass et des entrées pour aller à Walibi et surtout découvrir la toute nouvelle attraction Pulsar qui a l'air vraiment de déchirer. Alors, oui, voilà. Alors, pour s'inscrire, comment fait-on ? On envoie Pulsar, P-U-L-S-A-R, par SMS au 6322 pour 1€ par message. Voici le son de Souf avec Miamor. Et juste après, nous allons jouer, je dis ça pour Sandro Alaréa, aux 5 secondes chrono. Si vous avez envie de jouer avec nous, d'ailleurs, vous pouvez vous inscrire en envoyant le chiffre 5 par SMS au 6322. Hein, on joue tous les matins un petit peu avant 7h. Et exceptionnellement, ce matin, on va faire jouer nos deux auditrices, Mélanie et Lucia, qui vont jouer contre David de chez Nausicaa. Tout de suite, juste après Souf. Ces faits et gestes que je n'ai pas su t'accorder. Oui, je sais que c'est la vie que j'ai choisi de t'aimer. J'aimerais que tu reviennes, tu reviennes. Tu sais, je ne suis qu'un homme, des erreurs j'en referai. Te souviens-tu du temps où tu ne savais pas qui j'étais? Un homme imprévisible, c'est tout ce dont tu rêvais. Dis-moi que tu m'aimes, que tu m'aimes. C'est la vie, j'ai trahi et ça m'a fait grandir. J'en perds ma taille et dans la nuit, je vois que tu souris. Écoute-moi, je t'en prie, tu as le plus beau des chats. C'est comme ça que je t'aime, mais tes souvenirs me hantent. La nuit dans mon sommeil, j'en deviens somnambule. Mais je t'avais pris pour acquise, tu m'as tourné le dos. J'avais cru soumise, mais ces mots sonnent faux. Et quoi qu'on en dise, j'étais ton héros. Aujourd'hui tu me fuis, tu me fuis. C'est la vie, j'ai trahi et ça m'a fait grandir. J'en perds ma taille et dans la nuit, je vois que tu souris. Écoute-moi, je t'en j'entends sa voix si belle au timbre angélique. 8h21 sur Fun Radio, c'est Evan, c'est la tribu en direct de chez Nausicaa à Boulogne-sur-Mer ce matin. À suivre avant les infos de 7h30, ça sera le son de Maître Gims sur Fun Radio. Yeah, let's go. 5 secondes chrono. Affrontez Evan et sa tribu. Et nous allons jouer ce matin avec deux auditrices qui nous ont accompagnées ici chez Nausicaa. On a Lucia et Mélanie qui vont jouer face à David. David qui s'occupe notamment de l'entretien ici, responsable de l'entretien de chez Nausicaa. Une question toute bête, David, comme tu fais l'entretien ici chez Nausicaa, est-ce que du coup, je sais pas si t'es marié ou fiancé, mais ta femme ou ta fiancée dit du coup, dis donc, comme c'est ton boulot chez Nausicaa, tu peux aussi t'en occuper à la maison. Ou alors que toi, quand tu rentres, tu dis comme c'est mon boulot à Nausicaa, je fais pas le ménage à la maison. Comment ça se passe? Non, ça m'arrive de les faire quand même. Comme ça, moi, je suis sûr qu'elles seront bien faites. C'est dit, et bim, bam, boum. David, en 5 secondes chrono, tu vas essayer de marquer un point. Je vais faire facile. Tu es français? Tu connais un peu la Belgique? Ou très peu? Très peu. Très peu. Eh bien, on va voir ça. Cite-moi, en moins de 5 secondes chrono, 3 villes belges. Top, c'est parti. Bruges, Bruxelles. Attends, non. Charleroi. Ah, pourquoi tu l'as aidé, Yolande? Non, il a trouvé tout seul Charleroi. Liège, mais il a dit tout seul Charleroi. Oh là là. Donc, là. Le là. Point bon, est accordé. En tout cas, ça s'est juste passé sur le gong. Ça veut dire que tu marques un point, David, dans ce match des 5 secondes chrono. Nous allons donc passer le micro à Lucia maintenant. Lucia, tu vas jouer contre David. Et alors, comme David est responsable du service entretien ici chez Nausicaa, écoute la carte que je t'ai choisie. Cite-moi en moins de 5 secondes chrono 3 produits d'entretien qu'utilise David dans sa vie de boulot. Top, c'est parti. Je suppose de l'Instanet, Monsieur Propre et du Dreft. Alors, attends. Alors, tu as cité 3 produits. David, est-ce que c'est à peu près bon? Alors, c'est des marques belges, donc je sais pas si elles sont connues ici. Oui, effectivement, c'est vrai. Alors, elles servaient à quoi les marques que tu as utilisées? Explique, David. L'Instanet pour les carreaux. Dreft pour nettoyer le sol. Pour nettoyer les journalistes, comme Jean-François par exemple. Et l'autre Qu'est-ce que j'avais dit? Le monsieur propre, oui, un nettoie-tout, un peu de tout. Alors David, est-ce qu'elle a eu bon sur les 3 propositions qu'elle a faites, oui ou non? Je vais dire oui. Eh bien, bravo, bravo. Alors, tout le monde va les applaudir, s'il vous plaît. Voilà. Allez, un petit peu de... On les bouge un peu ce matin, hein. C'est tout mou. Qu'est-ce qui se passe, les amours? David, merci de passer nous voir. Bon courage pour la suite à Nausicaa. Et à bientôt, dans un instant sur Fun Radio, on va se faire le son de Maître Gims. On revient juste après avec du Fabien Feyesh et le Qu'est-ce qu'il y a dans la boîte de Jean-François. Il y aura du pognon à la clé tout à l'heure, 7h24. Pour jouer vous aussi aux 5 secondes chrono avec Méga Bleu, envoyez le chiffre 5 par SMS au 6322. Écoutez, ça s'est passé dans l'Happy Hour avec Audrey sur Fun Radio. Je suis allée manger chez des potes ce week-end et je peux te dire que leur toilette, c'est genre les toilettes de mes rêves, quoi. En gros, quand t'arrives dans la toilette, t'as une boule à facettes qui se met à tourner, t'as de la musique à fond. Je te jure, je suis allée 4 fois aux toilettes. Juste pour danser toute seule. L'Happy Hour avec Audrey, du lundi au vendredi, 17h-20h sur Fun Radio. Bonjour, pompe numéro 9 s'il vous plaît. Alors au total ça vous fera un maillot de cycliste, des sacoches et un vélo trek. Ah oui? Super! Faites un plein de 25 litres ou plus dans une station Esso ou Esso Express participante pour avoir la chance de gagner de fantastiques équipements cyclistes et des vélos. Rentrez le code indiqué sur votre ticket de caisse sur esso.be/fr/cycling, soumis à condition. Comment bien acheter quand... on voit la vie en rose! Alors on aime forcément le rosé. Oh oui! Et on va chez Delhaize. Jusqu'au 29 juin, à l'achat de 3 bouteilles de rosé de 75 centilitres identiques ou différentes, la quatrième est gratuite. Delhaize, bien acheté, bien mangé. Notre savoir-faire se déguste avec sagesse. Et qui dit rosé dit barbecue, avec les délicieuses viandes Delhaize. Addict, le nouveau titre de Jepsar avec Liam Summers et Natel. Addict, le nouveau single de Jepsar, le son de l'été. Maintenant disponible sur toutes les plateformes de vente en ligne et les services streaming. Le vendredi 24 juin, les Coca-Cola Summer Movies sont de retour. Durant toute la journée, venez profiter entre amis des meilleurs films de l'été, de surprises et de 4 avant-premières exclusives avec notamment Nos Pires Voisins 2 et Ninja Turtles 2. Vendredi 24 juin, le Coca-Cola Summer Movies dans un cinéma près de chez vous. Fun Radio.

David de chez Nausicaa utilisait pour travailler tous les jours. Et Raphaël nous dit, elle ne doit pas nettoyer beaucoup si elle utilise du Dreft pour nettoyer le sol. C'est du produit de vaisselle. Voilà ce qu'on nous dit par SMS. Dans un instant, on va jouer au pronostic du match des Diables. C'est ce week-end, Jean-François, c'est samedi. Tout à fait, c'est demain à 15h. Ils jouent demain donc à 15h. Et on va faire des pronostics ensemble. Vous, des pronostics également par SMS au 3044. Et celui ou celle qui se rapprochera le plus du bon score, ou qui en plus peut-être l'aura, sera tiré au sort et repartira avec du cadeau Fun Radio. Ce sera dans quelques instants, juste après les infos, la météo et le son d'Enflore de Riab. Dans un instant, Freak débarque. Fun Radio. Luminus soutient votre énergie pour les Diables Rouges. Encouragez-les via le hashtag 12e Diable. Luminus, à votre service. 7h31, on s'informe tout de suite en compagnie de Jean-François. Salut mon Jeff. Bonjour Evan, bonjour à tous. Le tueur présumé de la députée britannique travailliste pro-Union Européenne Jo Cox était un partisan dévoué d'un groupe néo-nazi basé aux États-Unis. Jo Cox a été tué hier en début d'après-midi au nord de l'Angleterre. Peu après, la police a intercepté le tireur présumé, décrit par ses voisins comme un solitaire. Et ses motifs n'étaient pas encore connus, mais selon un témoin cité par les médias, le meurtrier aurait crié « Britain first », soit le Royaume-Uni d'abord, à cet élu qui n'avait cesse de faire l'éloge de la diversité et avait fait sienne la cause des réfugiés syriens. Chez nous, les syndicats de police se sont entretenus hier avec le directeur de l'organe de coordination pour l'analyse de la menace et un représentant du cabinet du ministre de l'Intérieur. Après l'assassinat d'un couple de policiers en France et l'avertissement sur des attentats imminents relayés par plusieurs médias, ils ont manifesté leur inquiétude quant à la sécurité des policiers et ont exposé leurs revendications, notamment concernant le port d'armes permanent et les mesures de sécurité qui doivent être appliquées indépendamment de la hausse ou de la baisse du niveau de la menace. En 2015, le nombre de jours de grève a chuté par rapport aux années précédentes. L'an dernier, la Wallonie a enregistré deux fois plus de jours de grève que le reste du pays. Au total, le nombre de jours de grève comptabilisés en Belgique est quatre fois moins important qu'en 2014, l'année de l'arrivée au pouvoir du gouvernement Michel. Les provinces de Liège et du Hainaut totalisent la majorité de ces jours de grève. Toutefois, en 2014, les grèves s'étaient principalement concentrées en Flandre, avec alors 100 000 jours de grève de plus que la Wallonie. Fun Radio, à l'heure de l'euro. L'Angleterre, victorieuse sur le score de 2-1 face au Pays de Galles hier après-midi, a pris la tête du groupe B devant la Slovaquie qui s'est relancée après son succès contre la Russie. Dans le groupe C, l'Irlande du Nord a battu l'Ukraine 2-0 et l'Allemagne a dû se contenter d'un partage sur le score de 0-0 face à la Pologne. L'Allemagne est en tête de son groupe devant la Pologne et l'Irlande du Nord. L'Euro est quant à lui déjà terminé, même s'il doit évidemment jouer son troisième match pour l'Ukraine qui est d'ores et déjà éliminée. Aujourd'hui, l'Italie affronte la Suède à 15h dans un match qui intéresse au plus haut point nos Diables Rouges. On joue également les matchs de la deuxième journée du groupe D avec République Tchèque Croatie à 18h et Espagne-Turquie à 21h. Et puis on termine par une info qui concerne les blondes. Les femmes aux cheveux blonds moins intelligentes que les autres, le mythe est tenace mais il ne repose plus sur rien. Ah ouais ? Bien au contraire, leur quotient intellectuel serait même plus élevé que la moyenne. Ah bah dites donc ! La caricature de la blonde idiote s'est terminée, et en tout cas sans fondement si on s'en réfère à cette étude américaine menée par une université d'État de l'Ohio. Les chercheurs ont analysé une banque de données regroupant les profils de plusieurs milliers de femmes représentatives de la population américaine qui ont passé un test et les résultats sont donc édifiants. Vous ne regarderez donc plus jamais les blondes de la même manière. Et bah voilà, une bonne nouvelle pour toutes les blondes qui nous écoutent. Et justement, on a deux blondes qui nous accompagnent ce matin, nos auditrices Mélanie et Lucia. Donc voilà les filles, vous pouvez être rassurées. Il l'a dit Jean-François, finalement, eh bien, ces blagues sur les blondes étaient non fondées et c'était totalement débile. Tu vas faire plaisir à un grand nombre de personnes, je crois, Jean-François, ce matin. Même celles qui sont teintes. A tout de suite. Grâce au Last Minute Opel, vous pouvez prendre la route dès demain dans l'une de nos voitures de stock à prix super attractif. Surfez donc vite sur opelstock.be. La météo, Jean-François, avant d'écouter le son de Riab. La matinée fera la part belle au soleil, mais des averses orageuses viendront ensuite assombrir l'horizon depuis le sud. Des averses très locales pourraient même causer des inondations par endroits. Les maxima températures seront compris entre 15 et 19 degrés. L'alternance demeurera le mot d'ordre du week-end avec des températures à la mi-journée proches de 17 degrés. Prochain rendez-vous de l'info, c'est à 9h déjà. Non, c'est à 8h, mec. C'est à 8h. Eh ouais, tu reviens bosser. Dans, ouais, je reviens bosser. Dans 25 minutes, feignasse, hein. T'as pas le choix. Et tout de suite, c'est Riab sur Fun Radio. Fun Radio. Panos présente les feux du four. Go, ça va vite. Goûtez la famille à croquer et gagnez des tickets pour Plopsaland. Panos, le goût de chez nous. Conditions sur panos.be. Fun. Du son dance floor et de la déconne. Evan et la tribu, 6h-9h sur Fun Radio. Everybody sing, cause we don't give a damn about a thing. Cause I'll be a freak until the day, until the dawn. We can all through the night to the early morn. Come on and I will take you around the hood on against the lead. Cause we can any time of day, it's all good for me. Il est 7h39, c'est Evan ce matin. Nous sommes en direct de Nausicaa, Boulogne-sur-Mer, aquarium géant entouré de requins. Vous verrez les photos sur le Facebook de l'émission Evan et la tribu. Nous allons venir dans un instant sur le match des Diables. Ce sera demain à partir de 15h. Et puis Justine ce matin est toute malade. Il y a Mike qui me dit sur le Facebook de l'émission si je mets du gloss, est-ce que je peux la remplacer? La réponse est oui, mon Mike. Donc si tu peux venir avec nous à Boulogne-sur-Mer, il y a un petit peu de route quand même. T'as mis du gloss toi, Yolande, ce matin ou pas? Non, juste du beurre de cacao. Oh, du beurre de cac, beurre c'est de génial. Ouais. Désolé de vous décevoir. Alors parlons du foot, hein, les enfants, puisque les Diables vont jouer samedi à partir de 15h. Je vais vous demander vos pronostics. Vous allez jouer, vous, par SMS au 30-44. S'il y a un auditeur qui trouve le score exact, eh bien, je lui offrirai du cadeau lundi. On regardera donc ce que vous avez dit. Et puis, s'il y a quelqu'un qui s'approche le plus près ou s'il y a plusieurs réponses ex aequo, on fera un tirage au sort, mais je vais vous récompenser. Alors, autour de la table, Jean-François, ton pronostic, et rappelle-nous contre qui on joue samedi à 15h. On joue contre l'Irlande et je vais dire victoire 2-1. Victoire 2-1 pour la Belgique. Pour Jean-François, il y a quelqu'un qui nous dit 8-0 pour la Belgique, c'est pas signé. Il est déjà bourré, lui. Khalid, qu'est-ce que tu nous proposes? Moi, je dirais un petit 1-0, ça va être un petit écart. 1-0 pour la Belgique. Oui, parce qu'ils sont costauds. Hein, mais quoi qu'il arrive, tu penses que la Belgique va gagner samedi, hein? Là, oui, je pense qu'on a. Wilmots va resserrer les boulons, il va virer Lukaku. Il relance le débat éternel. Non, mais on va gagner cette fois-ci. Yolande. Moi je dirais comme Jeff, pour moi ce sera 2-1 pour la Belgique. Parfait, ensuite on a deux auditrices qui ont gagné leur voyage avec nous chez Nausicaa. On va tout d'abord demander à Mélana et Mélanie. Moi je dirais un 2-0 pour les Diables Rouges. Enfin, tout le monde pense qu'ils vont gagner, moi je vais être le seul à vous dire qu'ils vont perdre. Et ils vont perdre sans doute 1-0, ça c'est ce que je dis. Ils vont se réveiller. Oui ou pas. Lucia, tu penses qu'ils vont gagner ou perdre combien? Moi je pense qu'ils vont gagner 2-1.

Rotate your body, come here, love, you're spinning it. Rotate your body, come here, love, you're spinning it. Rotate your body, come here, love, you're spinning it. Make the trumpets blow. Floor et de la déconne, c'est Fun Radio, c'est Evan, c'est la tribu, nous sommes en direct de chez Nausicaa ce matin, en direct de cet aquarium géant entouré de plein de bêtes, notamment de requins qui sont juste derrière nous. Allez mater les photos sur le Facebook de l'émission Evan et la tribu. Il y a du message sur le Snapchat Evan et la tribu, Yolande. Oui, il y a Chris Baudot qui nous dit « Bonne journée les tarés », et pour ça il nous fait une belle grimace avec sa casquette à l'envers. Il y a aussi Fabien qui nous dit, il nous envoie une photo de la E19 en écrivant « Autoroute de Brun », je pense qu'il est un peu coincé là. Ouais. Et alors on a aussi Laurine qui envoie un petit selfie d'elle. À Nausicaa, puis elle dit j'étais à Nausicaa, c'était vraiment merveilleux. Et puis on a aussi Justine avec un beau selfie d'elle, comme elle était jolie, je vous l'ai montré. Elle a dit je suis en route pour faire des examens en force. Voilà, et c'est pas notre Justine à nous, parce que notre Justine à nous ce matin elle est un petit peu malade, elle est super déçue parce qu'elle voulait nous accompagner chez Nausicaa. 7h48, on fera le qu'est-ce qu'il y a dans la boîte de Jean-François, ce sera avant 8h, il y aura du pognon à gagner. Et Simon maintenant est notre invité. Bonjour Simon. Bonjour tout le monde. Simon, alors toi, quel est ton boulot ici chez Nausicaa? Raconte-nous. Moi je suis soigneur animalier ici à Nausicaa. Alors tous les animaux sans exception ou t'es spécialisé dans des. Tous les animaux sans exception, mais on a des spécialités quand même, parce qu'on est dit, on est représenté par section pour que tout le monde s'occupe bien de nos animaux. Mais et il faut toi, savoir. C'est la section quoi alors? Moi je suis section reptiles, eau douce. Très bien, on va parler des reptiles alors avec toi, ouais, dans un instant, savoir comment on les entretient, comment ils prennent leur douche, s'il y a de l'après-shampoing, tout ça. Je suis descendu en bas, je viens de dire après-shampoing, mais t'imagines, après-shampoing pour requins s'il vous plaît. Je suis descendu tout à l'heure dans l'aquarium, ouais, j'ai vu les énormes requins, oui, mais j'ai également vu une énorme tortue de mer. Exactement. Et comment tu nettoies ça en fait? Il faut quoi, un aspirateur? Il faut... Ah non, rien du tout, non, elle fait ça tout elle-même bien sûr. C'est vrai? Ouais, ouais, bah après on les laisse tranquilles les animaux, mais on s'occupe d'eux. En fait, on est là surtout pour vraiment leur assurer le meilleur des cadres de vie pour qu'ils puissent vivre convenablement. Tu vas nous raconter ça dans un instant. Ouais. Je trouve que tu ressembles à Jean-Luc Lemoyne, Simon. Jean-Luc Lemoyne, jamais dit. Non, jamais. Il est à côté Jean-Luc Lemoyne, je vous assure. C'est incroyable. Je me dis à qui me fait penser. On en reparle dans un instant après le son de Calvin Harris sur Fun Radio. Fabien Feillèche, Simon, oui, c'est notre monsieur canular chez nous. Alors comme nous sommes aujourd'hui en direct de chez Nausicaa, on a trouvé un canular en rapport avec la mer. D'accord. Et je te dis Flipper, ça te dit quoi? Dauphin. Et bah forcément, écoute ce qu'a fait avec Flipper le dauphin, et il y a d'autres Flippers, Fabien Feillèche, aujourd'hui. Fabien Feillèche. Allô? Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour monsieur. Je m'appelle Fabien Feillèche. J'appelle pour avoir des nouvelles du Flipper. Oui, oui, oui. Il est toujours en vente? Oui, bien sûr, toujours en vente. Alors, je peux avoir quelques infos dessus ou pas? Qu'est-ce que vous voulez savoir? Dites-moi. Déjà, je voulais savoir, est-ce que vous le vendez avec le bassin? Je vends quoi? Est-ce que Flipper, vous le vendez avec le bassin? Est-ce que Flipper joue avec le bassin? Bah oui, Flipper, il a bien un bassin. Mais vous parlez de quoi là, monsieur? Bah, Flipper le dauphin. Ouais, bah, c'est une blague? Bah, pas du tout, pourquoi? Mais je vends le Flipper, monsieur. On peut jouer, pas. Oui, bah, Flipper le dauphin. Ouais, mais t'as que ça à foutre de faire chier les gens? Bah, non, pas du tout. Allez. Bonne journée. Bah. Allô? Coucou, c'est encore Fabien Feillèche là. Bah, tu vas m'emmerder toute la journée encore. Mais non, pas du tout, c'est pas pour flipper. J'avais une question. Tu me parles de quoi? Tu me parles de quoi, espèce d'abruti? Bah, de bassin, je te parle d'un flipper. Ou, oui. Pour jouer, tu me parles d'un bassin. Où est le rapport? Bah, flipper le dauphin. Oui, flipper le dauphin. Bah oui, parce que je veux savoir de quoi il se nourrit. Bon, allez, tu m'as gonflé. Ciao, bonne journée.

love this world. Vous voyez un radar, informez Evan. Il passera l'info à toute la communauté Fun Radio. Pour ça, SMS 3044 pour rouler en toute sécurité. Baby, this is what you came for. Lightning strikes every time she moves. And everybody's watching her, but she's looking at you. Il est 7h58 sur Fun Radio en direct de chez Nausicaa. Ce matin, on a notre petite consultation sondage de ce matin. À votre avis, quel va être le score? Est-ce que vous pouvez pronostiquer le score des Belges demain contre l'Irlande? Pascal nous dit 2-1 pour les Belges, 3-0 pour les Diables. On a encore du 2-1 pour l'Irlande. Vous continuez à balancer vos pronostics par SMS au 3044. Simon est avec nous. Il est soigneur des reptiles ici chez Nausicaa. Nous sommes en direct jusqu'à 9h. Simon, pour toi, un petit pronostic pour le match de demain puisque les Belges jouent contre l'Irlande. Moi, je dirais 2-1 pour les Belges. 2-1 Ils pour vont les se réveiller, Belges, je crois. C'est ce qui arrive majoritairement, hein, j'ai l'impression. Yolande, qu'est-ce que ça donne pour l'instant la consultation? Pour le moment, les gens sont plutôt optimistes et motivés. Ils sont à 80% à penser que les Belges vont gagner et puis il y a 20% qui sont comme toi qui pensent que la Belgique va perdre. Eh bien, continuez à voter par SMS, c'est celui qui aura le bon score. S'il y a plusieurs ex aequo, il y aura tirage au sort, repartira avec du cadeau. On verra ça évidemment lundi matin. Allez, c'est l'heure de jouer avec la boîte de Jean-François. Il y a quoi là-dedans? Qu'est-ce qu'il y a dans la boîte? Le qu'est-ce qu'il y a dans la boîte? Actuellement, il y a 30 euros dans la boîte, dans la cagnotte. Rappel des indices, Justine, de cet objet que Jean-François a caché dans une boîte et qu'il est le seul à connaître. Rappel des indices, Yolande. Oui, parce que tu m'as appelé Justine. Mais c'est pour ça que j'ai rectifié après. Il y a deux filles dans l'émission, il les confond, bravo. Ah, alors, on a... L'objet n'est pas électronique, ce n'est pas du plastique, ni du fer, ce n'est pas du verre. Parfois, il y a de la terre, ce n'est pas grand. Ça a à voir avec le sport en général, mais ce n'est pas en rapport avec un équipement. Et on avait déjà reçu deux indices de Jeff, c'était plage et air. Bon, avec ça, si vous n'arrivez pas à trouver, quand même, c'est qu'il y a un problème. Mais Léonore est de Verviers, elle a 9 ans. Bonjour, Léonore. Bonjour. Bonjour, ma chérie. Tu sais que je suis entourée de requins, là, à Nausicaa. T'aimerais bien être à ma place? Non. Ouais, je te jure, ils tournent, ils sont autour. Je me dis que si à un moment, là, la passerelle qui est au-dessus du bassin du lagon casse, eh bien, c'est la dernière fois qu'on se parlera, Éléonore. Éléonore, pour toi ce matin, qu'est-ce qu'il y a dans la boîte de Jean-François? Quelle est ta proposition de réponse pour 30 euros? Bah, je pense que ce serait un ballon de plage gonflable. Qu'est-ce qui t'a fait penser que c'était un ballon de plage gonflable? N'importe, voilà, comme ça j'ai trouvé ça. L'indice R aussi, hein. Ça c'est vrai, c'est plausible, parce qu'effectivement on gonfle le ballon flottant avec la bouche. Jean-François, est-ce que c'est ou pas, pour 30 euros ce matin, la bonne réponse de ce qu'il y a dans ta boîte? Ce n'est malheureusement pas la bonne réponse, ah. Puisqu'en plus dans les indices, enfin dans ce qu'on a révélé, y a pas, c'est pas en plastique. Ah ouais, mais y a pas des ballons qui sont en autre matière que le plastique? En bois, des ballons en bois qui gonflent. Bon bah Éléonore, t'as fait avancer ce matin la boîte, mais ce n'est pas la bonne réponse. Comme t'as pas gagné, bien sûr, tu peux rejouer quand tu veux. D'accord ma chérie? Oui. Je te fais un gros bisou et je te souhaite un bon week-end. Bisous Éléonore. Bisous ma doudou. Un indice Jean-François pour faire inviter pour faire avancer cette boîte ce matin. Jeu. Ok, bon, ça nous fait vachement avancer. 40 euros, c'est ce que je mets maintenant dans la cagnotte. Si vous avez une proposition de réponse à nous faire, vous envoyez Evan, suivi de votre proposition de réponse au 63-22. On met maintenant 40 euros dans la cagnotte. Bonne chance à vous. On voit ça lundi, les 8h01. Fun. Fun Radio. Luminus soutient votre énergie pour les Diables Rouges. Encouragez-les via le hashtag 12e Diable. Luminus, à votre service. Et les doudous, vous êtes au taquet hein, ce matin, parce qu'on a le sondage d'aujourd'hui qui est combien les Belges vont marquer ou les Irlandais vont marquer au match de demain. Il y a Thomas qui nous dit 3-1, on va les manger avec un point d'exclamation. Va pas être bon être Irlandais demain dans les rues de la capitale. Les infos maintenant, c'est avec Jeff. Bonjour Jean-François. Bonjour Evan et bonjour à tous. Fun Radio soutient les Diables. Tous les yeux des Diables Rouges seront tournés vers le match Italie-Suède qui se joue cet après-midi à 15h à Toulouse. Le résultat de ce duel est évidemment très important pour les Belges à la veille du match qu'ils joueront demain à 15h face à l'Irlande. Battus par les Italiens, les Diables rêvent sans doute de voir la squadra azzurra s'imposer face à Zlatan Ibrahimovic et ses équipiers. Du côté des Diables, bonne nouvelle, Kevin De Bruyne et Eden Hazard se sont entraînés tout à fait normalement après 2 jours de repos suite à des douleurs ressenties au lendemain du match contre l'Italie. On joue également 2 matchs aujourd'hui, comptant pour le groupe D avec la République tchèque qui affronte la Croatie à 18h et l'Espagne qui joue contre la Turquie à 21h. Dans le reste de l'actualité, le personnel de la société de manutention aéroportuaire Swissport a arrêté le travail ce matin à Bruxelles Airport. Le syndicat socialiste avait déposé un préavis de grève pour les bagagistes qu'il représente à 65% à Zaventem il y a une semaine, suivi par les autres organisations et des représentants des travailleurs. Le mouvement n'a pas été organisé par les syndicats mais bien de façon spontanée par les travailleurs. Bruxelles Airport analyse actuellement les conséquences concrètes pour les voyageurs de cette grève. Selon la VRT, un certain nombre de vols partent actuellement, mais malheureusement sans les bagages des passagers. Le père d'une étudiante californienne tuée lors des attentats de novembre 2015 à Paris poursuit en justice Twitter, Facebook et Google, affirmant que ces réseaux sociaux ont permis au groupe djihadiste de diffuser leur idéologie et de recruter des membres. La plainte a été déposée il y a quelques jours à peine au tribunal fédéral de Californie par le père de la victime, qui affirme que les réseaux sociaux ont apporté en connaissance de cause un soutien matériel clé dans l'ascension de l'organisation djihadiste État islamique et leur a permis de mener de nombreux attentats, y compris celui du 13 novembre. Twitter, Facebook et Google n'ont pour l'instant pas commenté cette information. Chez nous, l'enquête judiciaire sur le piratage de grande ampleur dont Belgacom, qui s'appelle aujourd'hui Proximus, avait été victime, elle ne sera pas suivie de poursuite et ce en dépit des pistes évidentes qui mènent au service d'espionnage britannique. Des sources proches du dossier ont confirmé que l'enquête en cours ne se traduirait pas par des poursuites pénales contre les auteurs identifiés. La Sûreté de l'État n'a jamais réussi à vérifier quelles informations avaient précisément été subtilisées auprès de Belgacom. En septembre 2013, le piratage d'une filiale de Belgacom était révélé par un département des services britanniques. Suite à la plainte de Belgacom, la justice a ouvert une enquête, mais celle-ci s'avère désormais être dans l'impasse. Un mot enfin pour vous dire que les syndicats de police se sont entretenus hier avec le directeur de l'organe de coordination pour l'analyse de la menace, mais également avec un représentant du cabinet du ministre de l'Intérieur. Après l'assassinat d'un couple de policiers en France et l'avertissement sur des attentats imminents relayés par plusieurs médias, ils ont manifesté leur inquiétude quant à la sécurité des policiers et ont exposé leurs revendications, notamment concernant le port d'armes permanent et les mesures de sécurité qui doivent être appliquées indépendamment du niveau de menace. Fun. Fun Radio. Grâce au Last Minute Opel, vous pouvez prendre la route dès demain dans l'une de nos voitures de stock à prix super attractif. Surfez donc vite sur opelstock.be.

On est là en direct de chez Nausicaa ce matin, en direct de Boulogne-sur-Mer, avec les 25 ans de cet aquarium géant, toutes les espèces qui nous entourent. Il faut savoir qu'on fait de la radio au-dessus du lagon. Il y a les requins qui sont en train de tourner. Ils attendent la fin de l'émission pour bouffer soit Jean-François, soit Khalid, soit Yolande, ou même moi, ou même tous d'ailleurs. Ils ont très faim. Je veux bien passer après Jean-François, comme ça il aura plus faim. Toute l'équipe est là, à part Justine qui est un petit peu malade ce matin. On est là avec notre sondage de ce matin. À votre avis, les Belges vont-ils gagner ou perdre demain? Et si oui, quel sera le score? Dites-le-moi par SMS au 30-44. Est-ce que la tendance a un petit peu évolué, Yolande? Un tout petit peu. Les pessimistes ont un petit peu repris, enfin pas repris la main, mais il y en a un petit peu plus. Maintenant, ils sont 22% à penser que l'Irlande va gagner, mais il reste donc 78% persuadés que la Belgique va l'emporter. Ils sont majoritaires. SMS 3044 pour vos pronostics. Et pour la suite du son Dance Floor, on va se faire le son d'Alec Jeremy sur Fun Radio. Il y aura Chris Cab aussi. Est-ce qu'on a des prénoms à fêter aujourd'hui? Oui, vas-y. On a les Hervé, les Émilie et les Régnier. Alors, les cadeaux sont là. Dernière occasion pour vous de repartir avec vos entrées pour aller direction Walibi avec Pulsar, qui est la nouvelle attraction à découvrir, hein, qui est ouvert cette saison. Et vous avez aussi l'opportunité de repartir avec des Golden Pass pour vous inscrire. Un simple SMS suffit. Je fais sonner chez vous là dans 3 minutes. Vous envoyez Pulsar par SMS, donc c'est P-U-L-S-A-R, au 6322 pour 1€ par message. 8h12, voici le petit déj gratos, les doudous. Petit-déj gratos sur Fun Radio. On est où ce matin? On est du côté de Grivenier, c'est près de Liège, à la boulangerie Pêche et Mignon, rue Docteur Bordet 12 à Grivenier. Et alors on a Virginie qui vous reçoit avec un pain au chocolat. L'adresse est sur le Facebook de l'émission Evan et la Tribu. Nous allons parler maintenant avec notre invité, juste après Alex Germis. On va le remettre au début après s'il te plaît Sandro. Simon qui est avec nous ce matin. Bonjour mon Simon. Simon, ton micro fonctionne. Et... voilà, bonjour tout le monde. Simon, on va parler en une minute, tu vas rester avec nous ce matin, de ce que tu fais avec les reptiles. Alors pas toi, mais tu es soigneur de reptiles. En quoi ça consiste? Parce que tout à l'heure, pour rigoler, je disais que tu faisais prendre une douche, après tu mettais un après-shampoing. D'abord, quel type de reptile tu as entre guillemets entre les mains toute la journée? Alors ici, vous avez comme reptiles, vous avez d'abord les tortues, les iguanes, ensuite on a également des serpents et des caméléons, des petits lézards. Ouais. On a aussi les caïmans, donc on a vraiment une belle collection. Caïmans, ils mesurent jusqu'à combien? Les nôtres, ils sont jusqu'à 1m20. Ah, c'est déjà pas mal, ça te bouffe un bras déjà, non? C'est super. Non, ils sont très calmes. Ils sont très calmes? Ah, oui, on va. Vous leur mettez des quoi? Des rien du anxiolytiques tout. Non, ils sont habitués à nous voir, donc du coup. J'ai une question à te poser. Est-ce qu'avec le caméléon, tu t'es déjà amusé à venir avec un t-shirt rose devant lui? Jamais essayé. Lui de mettre des feuilles de couleur derrière, jamais essayé. Khalid, une question. Le mec, justement, le caméléon, tu le mets sur un truc des iguales, il pète un câble. Là, il sait plus quoi faire. Alors, il y a tous les enfants qui nous écoutent, qui sont dans la voiture ce matin, qui rêveraient peut-être de devenir soigneur comme ça ici à Nausicaa. Comment on devient soigneur d'animaux? Quel est le cursus? Alors on est en France, je sais pas si c'est la même chose chez nous en Belgique. Non, mais avant tout c'est la passion, faut être passionné par les animaux, et à partir du moment où on est passionné, on arrive là où on veut. Et toi aussi, t'as chez toi des reptiles, puisque c'est ta passion? En fait j'en avais, mais maintenant j'en ai plus vraiment, parce que femme t'a dit c'est ça ou moi? Non, je m'en occupe tellement toute la journée que chez moi j'en ai pas. Quel est le reptile, parce qu'on a toujours l'impression que c'est super, c'est à sang froid, mais que du coup c'est froid aussi en termes d'émotion, quel est le reptile le plus affectueux? Pour moi c'est le caméléon, parce qu'il est très expressif. Mais après on a aussi les iguanes, quand on rentre ils gigotent la tête pour nous parler, enfin c'est leur manière de s'exprimer, donc du coup c'est sent qu'il y a des échanges, quoi. Genre papa, je suis content de rentrer. Les iguanes parlent comme ça. Non, mais tout à l'heure tu rigolais en disant qu'on les douche, qu'ils prennent leur douche, mais on passe la douche dans les iguanes et ils adorent. Ils adorent ça, on passe le jet d'eau et justement ça ils adorent. Ils sont au Karcher les iguanes. On reste avec nous en tout cas Simon ce matin qui est soigneur. C'est un vrai bonheur de pouvoir rencontrer les personnes qui s'occupent des animaux ici à Nausicaa. Envoyez le son de Alex Germis et tu restes avec nous. On va vous offrir vos entrées et vos Golden Pass dans un instant. Alors ce sera soit l'un soit l'autre, vous inscrivez en envoyant Pulsar P-U-L-S-A-R au 6322. Je vais faire sonner chez vous là juste après le son d'Alex Germis, et si vous décrochez ce sera gagné pour vous les entrées ou les Golden Pass direction Walibi, et notamment avec la nouvelle attraction Pulsar à découvrir. 8h15 sur Fun Radio, nous sommes vendredi, ça sent le week-end, on est en direct de chez Nausicaa ce matin, bienvenue. Sometimes all that you want is to go home. 18 sur Fun Radio, quelqu'un me dit j'ai pas pu noter le nom pour le concours pour gagner les entrées pour le parc Sniff, mais je participe, please. Emilie, faut que t'envoies Pulsar, P-U-L-S-A-R, par SMS au 6322. Des entrées, des Golden Pass à gagner ce matin avant d'écouter Chris Cab. On va tout de suite appeler l'un ou l'une d'entre vous d'ailleurs qui s'est inscrit ou inscrite, et si vous décrochez, c'est gagné. Il y aura deux appels d'ici la fin de l'émission. Pendant que ça sonne, je vous rappelle qu'on fait une petite consultation ce matin des résultats du match des Diables qui joueront contre l'Irlande demain à 15h. Pas mal de monde qui nous dit, vous avez pas dit beaucoup qu'il y aurait des matchs nuls. Et moi je pronostique un 2-0, un coup franc de Bruyne et un pénalty transformé par Hazard. Irlande, carte rouge en deuxième mi-temps. Putain, c'est précis, gars. Oui, bonjour, quel est ton prénom? C'est Fun Radio. Alors, moi c'est Fun Radio et toi c'est comment? C'est au nom de Nathalie Cassassus. Alors, donc toi c'est pas Nathalie, on est d'accord, mais c'est Nathalie qui a joué. Oui, c'est ça. Bon, eh bien, je te donne une bonne nouvelle. Tu as décroché, c'est gagné. Bravo, yes, à toi. Bravo, okay, à Nathalie. T'inquiète pas, j'ai bien compris que tu avais joué pour quelqu'un qu'elle pouvait pas décrocher, mais il y a aucun problème. Du moment que t'as décroché, ça c'est bon, ça sera géré au standard. Écoute ce que tu as remporté. Tu as gagné deux entrées pour aller t'éclater quand tu veux à Walibi. Voilà, découvrir la nouvelle attraction qui s'appelle Pulsar. Félicitations. Comment t'appelles-tu quand même qu'on fasse des présentations? Hassan. Hassan, eh bien Hassan, je te souhaite une belle journée, raccroche pas, je te repasse le standard. Et vous toutes, vous tous, si vous voulez encore participer, si ce n'est déjà fait, eh bien vous avez encore l'occasion de vous inscrire d'ici la fin de l'émission en envoyant Pulsar, P-U-L-S-A-R, pas facile à dire, P-U-L-S-A-R, P-U-L-S-A-R, au 6322. Avant d'envoyer le son de Chris Cab, je vais remercier infiniment Simon qui est passé nous voir ce matin de chez Nausicaa, où nous sommes en direct jusqu'à 9h, soigneur pour les reptiles. Alors un petit conseil, parce qu'on a eu beaucoup d'enfants qui nous ont demandé comment ils pouvaient devenir soigneurs, est-ce qu'il y a des études pour ça? Ici en France, pour prendre mon exemple, j'ai fait un DES de technicien de la mairie du littoral et ensuite une licence de biologie. D'accord. Voilà, donc c'est à peu près les études qu'il faut suivre. Regarde ton Viber, s'il te plaît, Sandro. Khalid. Quel est l'animal le plus compliqué à nettoyer? Ou le plus chiant, le plus capricieux, tout ça? J'ai pas d'idée là tout de suite. C'est vrai qu'ils ont toutes leurs particularités, mais il n'y a pas de. On avait dit rien. Que les plus affectueux, c'était les caméléons. Ouais, voilà. Les pires. Alors, ceux qui sont vraiment, ils s'en foutent de toi. Ils te nient la tronche. Et même, tu peux faire un foot avec eux. Je pense que c'est les insectes. Hein. On a des faces, mais vu qu'ils sont très particuliers, ils sont très mimétiques. Du coup, ouais. Dès qu'on met les mains dans leur bouquet, ils réagissent pas. C'est les fameux insectes qui ont le physique de Stromae, c'est ça. Merci d'être passé nous voir, Simon. À bientôt et bon courage. Je vous en prie, merci la tribu. Simon Soigneur chez Nozy qui a envoyé le son de Chris Cab et Youssoufa sur Fun Radio. Et revenir juste après avec d'autres invités. On aura des jeux qu'on va faire avec vous tous ici en direct de chez Nozika. Il est 8h21. International et la connexion. Chris Cab, Youssoufa est dans la maison. Devant, Bipa da Ping Dong. Les filles, faites bouger la fête. Faites bouger la fête et la tête de tous les garçons. J'ai dit, faites bouger la fête. Faites bouger la fête et la tête de tous les garçons. Friday night went on way too long. I woke up in a stranger's home. After 6 shots of De Leon. You know that girl really turned me on. Oui, alors, dans. Et ça maintenant, c'est parce que je vais. Bim, bada, bing. 8h23 sur Fun Radio, je n'ai pas entendu la fin du titre. Ça faisait longtemps qu'il était fini, Sandro, le titre ou pas? Bon, ça faisait une demi-heure. Ah, une demi-heure quand même, déjà, ça passe vite, le temps passe vite. 8h23 sur Fun Radio, nous sommes en direct de chez Nozika ce matin. Et dans un instant, je vous envoie le son de Juliane Peretta pour aller jusqu'à 8h30, l'heure des infos de la météo. Et puis nous rejouerons tout à l'heure ensemble pour vous permettre de gagner vos entrées, vos Golden Pass direction Walibi. On parle aussi des matchs, match des Diables demain à 15h. On joue les pronostics ce matin. Comment bien manger quand... On veut savourer du poisson de saison. On fonce chez Deleuze. La saison des matchs a justement commencé. Ces délicieux poissons pêchés en Norvège, riches en oméga-3 et en protéines, sont en promo jusqu'au mercredi 22 juin. 3 plus 1 gratuit. Bon appétit. Deleuze. Bien acheté, bien mangé. Le vendredi 24 juin, les Coca-Cola Summer Movies sont de retour. Durant toute la journée, venez profiter entre amis des meilleurs films de l'été, de surprises et de 4 avant-premières exclusives avec notamment Camping 3 et Insaisissable 2 en avant-première événementielle un mois avant sa sortie. Vendredi 24 juin, le Coca-Cola Summer Movies dans un cinéma près de chez vous. Avoir une nouvelle sœur ou un nouveau frère venu du bout du monde pendant un an te tente? YFU Bruxelles Wallonie recherche des familles d'accueil pour des jeunes de 15 à 18 ans venant des quatre coins du monde. Tu pourras découvrir une nouvelle culture, t'ouvrir sur le monde, lui apprendre comment tu vis ici. Ouvrez-vous au monde. Make the world your home. Contacte sans plus tarder YFU Bruxelles Wallonie. Plus d'infos, www.yfu-belgique.be 04 223 76 68. Fun Radio. Como tú te llamas, yo no sé. De dónde llegaste ni pregunté. Lo único que sé es que quiero con usted quedarme contigo hasta el amanecer. Como tú te llamas, yo no sé.

auditrices de gagner leur séjour et de découvrir finalement Nausicaa avant l'ouverture au public. Vous allez bien ce matin? Ah, ça se passe très bien, il se passe plein de choses. Et on est bien, vous avez vu les requins, enfin, vous les connaissez vous? Comment ils s'appellent d'ailleurs? Ils ont des petits prénoms les requins? Non, on les respecte, alors ils s'appellent tous requins. Les requins. Il y a Robert et Raymond, etc. Est-ce que vous suivez un peu le football, Stéphane? Oh, bah, un petit peu, on en entend beaucoup même, évidemment en ce moment. Vous êtes français? Et oui. Donc vous supportez évidemment les bleus, blancs, rouges, et bien nous on va supporter les Diables qui jouent demain à 15h. Et on fait un jeu des pronostics ce matin avec les auditeurs par SMS au 3044. Alors vous allez faire le jeu également. Vous pensez que contre l'Irlande demain, la Belgique va gagner ou va perdre? Et si oui, combien à votre avis? Je pense qu'ils vont gagner difficilement, mais ils vont gagner, je dirais 2-1. 2-1, ok, c'est bien noté pour le jeu des pronostics. Est-ce que ça a un petit peu évolué, Yolande? Ben oui, il y a une petite remontée de ceux qui pensent que les Diables Rouges vont bouffer l'Irlandais. Ça fait 80%, et puis du coup, ça fait 15% qui pensent que l'Irlande va perdre. Et puis, suite au petit SMS qu'on a reçu d'un gars qui nous disait, bah, personne pronostique match nul, il y en a un qui nous envoyait, ben voilà, moi je dis match nul, mais en même temps, je m'en fous parce que je suis pour l'Espagne. C'est dit. Vos pronostics par SMS 3044, et dans un instant, le son de Rochelle va débarquer sur Fun Radio en direct de chez Nausicaa. C'est l'heure de s'informer en compagnie de Jean-François. Salut Jeff. Bonjour Evan, bonjour à tous. Le personnel de la société de manutention aéroportuaire Swissport a arrêté le travail ce matin à Bruxelles Airport. Le syndicat socialiste avait déposé un préavis de grève pour les bagagistes qu'il représente à 65% à Zaventem il y a une semaine, suivi par les autres organisations des représentants des travailleurs. Le mouvement n'a pas été organisé par les syndicats, mais bien de façon spontanée par les travailleurs. Bruxelles Airport analyse actuellement les conséquences concrètes pour les voyageurs de cette grève. Selon la VRT, un certain nombre de vols partent actuellement sans les bagages des passagers. La réforme des titres et fonctions dans l'enseignement qui entre en application en septembre génère l'inquiétude des professeurs. Des centaines d'entre eux sont ainsi incertains de leur avenir. Certains professeurs qui donnaient un cours depuis des années risquent même d'être carrément exclus de la réforme ou de perdre une partie de leur salaire. N'ayant plus le titre requis, la commission interréseau des titres de capacité a été chargée d'évaluer les nombreux recours. Les réunions se multiplieront selon les prochains mois. Mais des centaines d'enseignants ne sont donc pas fixés sur leur sort avant l'été. La ministre de l'Éducation, Marie-Martine Schinz, cherche à assouplir temporairement les règles en multipliant les décrets et les amendements. Plus de 8 Belges sur 10 s'arrêtent en chemin pour se reposer lorsqu'ils partent en vacances. Les Belges sont donc les bons élèves, mais ils perdent des points car ils ne se reposent pas assez tôt. Leur pause n'intervient en effet qu'après en moyenne 2h54 de route, alors qu'il est conseillé de s'arrêter toutes les 2 heures. Quelques 81% des Belges admettent se coucher un peu plus tard ou se lever un peu plus tôt qu'à leur habitude lorsqu'ils partent en vacances. C'est plus qu'aux Pays-Bas et qu'en Allemagne. Toutefois, ils sont 82% à effectuer des pauses lors de leur trajet, contre 56% en moyenne dans les autres pays européens, ce qui place la Belgique parmi les bons élèves. Sachez enfin qu'un accident sur 5 sur les autoroutes françaises durant les vacances d'été est dû à un sous-gonflage des pneus. Essayez d'y penser avant de prendre vos vacances et donc prenez vos précautions. Fun Radio, à l'heure de l'euro. L'Angleterre victorieuse sur le score de 2-1 face au pays de Galles, hier après-midi, a pris la tête du groupe B devant la Slovaquie qui s'est relancée après son succès contre la Russie. Dans le groupe C, l'Irlande du Nord a battu l'Ukraine 2-0 et l'Allemagne a dû se contenter d'un partage 0-0 face à la Pologne. L'Allemagne est en tête de son groupe devant la Pologne et l'Irlande, tandis que l'Euro est déjà terminé pour l'Ukraine qui est éliminée. Aujourd'hui, l'Italie affronte la Suède à 15h dans un match qui intéresse au plus haut point nos Diables Rouges. On joue également les matchs la deuxième journée du groupe D avec République Tchèque Croatie à 18h et Espagne-Turquie à 21h. La météo, Jean-François, alors est-ce qu'on va pouvoir enfin sortir les barbecues et les strings ficelles? Ça va être compliqué, peut-être entre deux averses, puisque à part la matinée où elle va faire la part belle au soleil, bien des averses sont encore attendues, des averses orageuses même, qui viendront ensuite assombrir l'horizon depuis le sud. Des averses très locales peuvent même à certains endroits causer des inondations, ce qui peut être pratique évidemment pour éteindre les barbecues. Les maxima seront compris entre 15 et 19 degrés. Prochain rendez-vous de l'info, c'est dernier de la matinée, c'est à 9h, et tout de suite c'est Rochelle sur Fun Radio. Petit-déj gratos. Déconne et son dance floor. Evan et la tribu, 6h-9h sur Fun Radio. We fight. Merci de commencer la journée avec Fun Radio en mode week-end, ça approche, n'oubliez pas Party Fun ce soir à partir de 20h en compagnie de Lee, de tous les DJ Fun Radio. Nous faisons le jeu des pronostics ce matin quant au match de l'équipe des Diables qui vont affronter demain l'Irlande. À votre avis, combien y aura-t-il? SMS 3044, on fera un point sur la majorité pour l'instant. La tendance, hein, on peut le dire, Yolande, c'est une majorité d'auditeurs et d'auditrices qui pensent que demain on va gagner. Vous êtes un peu sûr de vous, hein, les winners là, hein? Bah c'est normal, parce qu'on va gagner, c'est les Diables Rouges. Enfin, on va en finale, on est les champions. On verra demain, SMS 3044. Alors avec nous, nous avons Stéphane, notre invité en direct de chez Nausicaa. Stéphane Hénard, alors vous avez une particularité Stéphane, c'est que vous êtes un des fondateurs de chez Nausicaa à Boulogne, et que là où nous sommes actuellement entourés de requins, eh bien il y a plus de 25 ans, il n'y avait pas grand chose en gros, si je schématise. Alors attendez, vous avez un problème de micro? C'est bon, il est bon. Quand on a ouvert en 91, ça fait déjà plus de 8 ans qu'on travaillait sur le projet. Ça se prépare très longtemps à l'avance. Ouais. Il faut notamment élever les animaux, faire grandir les poissons pour qu'ils s'habituent bien au contact avec le public. Donc c'est un entraînement en fait. La légende, comme quoi vous aviez un aquarium chez vous, mais que vous n'aviez plus assez de place, et c'est pour ça que vous avez créé Nausicaa, c'est une fausse légende. C'est vrai à 20%. D'accord. Donc ça s'est fait 8 ans avant l'ouverture. Et... On a commencé les études. Il faut beaucoup de temps pour préparer un projet comme celui-là, et surtout il faut entraîner les animaux. Il faut les habituer au contact avec le public. On est très fiers de ça ici. C'est que franchement, il y a une grande interactivité entre nos animaux et les visiteurs. Ça, on en parlait hors antenne. Faut le dire aux auditeurs avant qu'on écoute Martin Garrix, hein, qui n'est pas avec nous dans l'aquarium ce matin. C'est que les poissons, en fait, changent leur mode de vie en fonction de l'arrivée des visiteurs ici dans l'aquarium. Racontez-nous un peu. Sans les partenaires, on a fait un casting. On a choisi les animaux. Il y a Loana d'ailleurs. C'est ça. C'est le requin baleine, c'est ça. Oui. On prend pas n'importe qui non plus. D'accord. On a donc choisi des animaux qui allaient bien se plaire dans les volumes qu'on pouvait leur proposer. Et puis ensuite, progressivement, on les a habitués au contact avec les visiteurs. Et ça, c'est très important. Effectivement, quand on arrive très très tôt le matin, ils sont généralement un peu tranquilles. Ils font le tour du bassin. Ils sont au fond. Ils visitent les décors, voilà. Et puis quand les visiteurs arrivent, les poissons se rapprochent de la vitre parce qu'ils voient très bien ce qui se passe de l'autre côté de la vitre. Oui, c'est pas flou contrairement à ce qu'on peut croire. Quand on met une tête sous l'eau avec un masque, quand on a un peu une vision de poisson, on voit très bien les visiteurs. Génial, ça, ouais. C'est un visiteur qui se gratte un peu le nez, on le voit tout de suite. Attention, est-ce qu'on voit des poissons qui se moquent parce qu'ils voient des visiteurs avec des sales têtes? Ils aiment beaucoup tout ce qui est reflet, les boucles d'oreilles, tout ça. Ah, c'est amusant des fois qu'un poisson suive un visiteur le long de la vitre, clair de dire pas mal tes boucles, un petit peu cheap, mais pas mal. Quoi. Une question de Khalid. J'ai eu l'occasion de descendre dans l'aquarium pour aller voir les fameux requins, et j'ai remarqué qu'il y avait des requins, des poissons énormes et des tortues de mer. Comment on sait qu'ils vont pas se bastonner entre eux, par exemple? Déjà, on étudie leur biologie. On fait très attention aux espèces qu'on va mettre ensemble. On essaie de prendre des animaux qui sont compatibles. Déjà, on s'intéresse aussi à ce qui s'est passé dans les autres aquariums dans le monde. Pardonnez-moi, mais Stéphane, c'est vrai que si vous revenez le lendemain matin et que les deux requins ont bouffé tout le reste de l'aquarium, c'est vrai que pour les visiteurs, ça va pas le faire. C'est pas top, je reconnais. Ça va pas donner une très bonne image, ça, c'est sûr. Alors, ça veut pas dire que les requins s'intéressent pas aux autres poissons qui sont dans le bac. C'est leur nature. C'est comme un chat qui serait dans un pré avec plein d'oiseaux. Simplement, les requins sont bien nourris et puis ils font le calcul, ils se disent je vais quand même devoir dépenser pas mal d'énergie pour courser tel ou tel poisson, donc je le laisse tranquille. Ouais, il est un peu feignant c'est pas tout à fait ça. Ils calculent vraiment à l'économie d'énergie, et donc on peut s'appuyer sur ce principe là pour mettre en présence des animaux comme ça, mais il faut aussi que les poissons se méfient et tiennent leur distance. À tout moment ils peuvent se faire niaquer. On va revenir juste après le son de Martin Garrix en direct de chez Nausicaa ce matin ici à Boulogne-sur-Mer avec nos auditrices qui ont remporté leur venue avec nous, et puis on va vous faire un jeu dans un instant avec le jeu de Khalid. Ce sera juste après Martin Garrix sur Fun Radio. Il est prêt ton jeu, Doudou? Il est ultra prêt. Pour une fois qu'il a travaillé et préparé. Pour une fois, oui. Dans un monde qui change, chaque supporter compte pour booster son business. Alors avec BNP Paribas Fortis, supportez les entrepreneurs près de chez vous et aidez-les à gagner leur pub sur le maillot d'Anderlecht ou une campagne média de 10 000 euros. Votez sur boostervotrebusiness.be. BNP Paribas Fortis, la banque d'un monde qui change. Comment bien acheter quand... on voit la vie en rose. Alors on aime forcément le rosé. Oh oui. Et on va chez Delhaize. Jusqu'au 29 juin, à l'achat de 3 bouteilles de rosé de 75 centilitres, identiques ou différentes, la quatrième est gratuite. Delhaize. Bien acheté, bien mangé. Notre savoir-faire se déguste avec sagesse. Et qui dit rosé, dit barbecue, avec les délicieuses viandes de Delhaize. Du son dance floor et de la déconne. Evan et la tribu, 6h-9h sur Fun Radio. Flashback to the time in your life when you thought it would be easy. But it's hard when you take on the world alone. Shot that you fire at the sky, hoping someone else can see it. Just a sign that you're not out there on your own. We come one tonight. I've been waiting for your wake up call. Growing stronger now. I can hear it in the thunderstorm. Do this without you. Oh. Les diables vont-ils gagner demain à 15h? C'est la question que je vous pose ce matin en direct de chez Nausicaa, Boulogne-sur-Mer, 8h46. Vous votez avec vos pronostics. SMS 3044 et sur le Snapchat de l'émission, Yolande. Oui, on a Talia qui nous dit 1-1 pour le match. Et puis on a aussi Dams Kramer qui nous a envoyé une photo. Il a dit antenne My Giver pour tous vous écouter. Et c'est vraiment un espèce de montage hyper artisanal. Ça fait plaisir quand même. Hein. Et puis on a aussi Chris qui nous envoie des grimaces pour les screenshots. Philippe nous dit dire aux gens de ressentir et visualiser la victoire et on peut collectivement la créer. Voilà ce qui est dit pour le match de c'est demain beau. À 15h, les Diables contre l'Irlande. Avec nous, Stéphane, c'est l'un des fondateurs de chez Nausicaa. On parle de plein de choses. Finalement, j'aimerais que l'émission se termine un peu plus tard pour qu'on puisse parler de tout pour nos auditeurs parce qu'en antenne, on continue à discuter et on apprend plein de trucs. Par exemple, je ne savais pas, à un moment, je dis, pour déconner, vous me connaissez l'état d'esprit de la radio et de la maison, je dis à Stéphane, mais alors, je vois toujours les requins nager, c'est qu'ils s'ennuient, c'est que si jamais ils arrêtent de nager, ils tombent. Et ben non, il y a une vraie explication à ça. Et les enfants qui sont à la voiture, écoutez bien pourquoi les requins, ils sont obligés de nager, Stéphane. En fait, les requins, en avançant dans l'eau, ouvrent la bouche, l'eau rentre par la bouche et passe ensuite par les branchies, comme ça, ils peuvent respirer. Et ça sert à ça, en fait. Surtout la nage chez les requins, c'est leur permettre de bien respirer. Khalid. Et comment ça se fait que les requins ne savent pas faire marche arrière? Ah, ils sont équipés pour la marche avant, mais il y a quelques requins qui savent faire de la marche arrière, les requins qui sont posés sur le fond, comme les requins chats, tout ça. On appelle ça des PDG. Ils n'ont pas de radar de recul, c'est pour ça. Alors Stéphane, vous allez jouer maintenant au jeu proposé par Khalid. Alors parfois la difficulté avec Khalid, c'est que nous n'avons pas la possibilité immédiate de comprendre le jeu. Parce qu'il a un problème de résumé, c'est pour ça qu'on le surnomme Résuméman. Dans sa chronique du jour et son jeu du jour, qu'est-ce que tu vas nous proposer Khalid? C'est parti pour le résumé. Tu as 2 semaines devant toi pour écouter du tout. C'est simple, je vais donner des noms, il faudra deviner si c'est un paquebot ou pas. Si c'est paquebot, tu me dis paquebot. Si tu penses que c'est pas un bateau, tu dis pas paquebot. C'est bon? C'est compris. Bon, je vais essayer de jouer aussi. De mon côté, c'est parti. Premier nom. Parfait. Le globe flotteur. Pas paquebot. Paquebot. C'est un paquebot français en plus. Ouais. Le globe flotteur. J'ai trouvé la photo sur Wikipédia. Et ils ont des clients. Apparemment. Ouais. C'est des gens qui savent pas lire ou savent pas écrire. Deuxième proposition. L'alligator. Pas paquebot. Paquebot, de nouveau. Aussi. Français aussi. C'est un paquebot français, l'alligator. L'alligator. J'aurais cru que c'était de Floride, mais non, même pas. Mais il les rend pas, ses passagers. Il les rend pas, il les digère. Attention, Stéphane, il cherche à vous piéger. Autre nom. Le Jimmy Carter. Pas paquebot, là. Bonne réponse, c'est un navire. Un sous-marin. Ah oui. Un sous-marin américain. Et c'était aussi un. Un truc américain. Un président. Ouais, c'est ça. Non, je me trompe pas. Alors, c'est sûr. Jimmy Carter américain. Grand président américain. Allez, on en fait encore Marchand deux. De cacahuètes. Encore deux. Alors, il y a le EB. EB. Allez, je dirais paquebot là pour voir. Paquebot français, bonne réponse. Paquebot français, mais attends, les mecs qui donnent des noms en paquebot français chez vous, qu'est-ce qu'ils ont? Ils prennent des trucs ou quoi? Je sais pas, apparemment oui. Ils ont le mal de mer, ça c'est certain. Ils tombent à l'eau surtout. Et un autre? Le JF Servais. Alors, réfléchissez bien. Je dirais paquebot. Non, pas paquebot, c'est qu'un connard. En fait, JF Servais, c'est notre journaliste. Moi, on m'a dit qu'il naviguait bien. Ah, il flotte, c'est tout. Il navigue à vue parce qu'il a une bonne bouée, c'est pour ça. On fait aller la toute dernière sur Cahier du Jambon. J'aime bien ta chronique, hein, je te mets un point pour Merci ça. Merci beaucoup. Le Chanteclair. Le Chanteclair. Paquebot, pas paquebot. Allez, paquebot. C'est pas paquebot, c'est une pâtisserie de Toulon. Dommage. Eh bien, il y a quand même 50% de bonnes réponses pour Stéphane. J'aimerais qu'on l'applaudisse bien fort, s'il vous plaît, autour de la table. Bravo, il est déçu, Stéphane. Ah, il aurait voulu avoir 100%. On revient en direct de chez Nausicaa avec le son de Major Lazer sur Fun Radio. Et on vous réexpliquera avec Mayoyo Mayoland comment vous allez pouvoir remporter vos entrées pour aller à Walibi. Également vos Golden Pass, notamment découvrir la nouvelle attraction qui s'appelle Pulsar. Le week-end, tous les DJs sont sur Fun Radio. Faites la teuf tous les week-ends avec l'émission Dance numéro 1 en Belgique, Party Fun. Party Fun. Tous les vendredis et samedis soirs, c'est Party Fun dès 20h avec Oli sur Fun Radio. Party Fun. Les plus grands DJ de la planète mixent pour vous jusqu'à 5h du matin. Avec Hardwell, Joachim Garraud, Oumet Toscan, Bob Sinclair, Nicky Romero. Les plus grands DJ mixent tous dans Party Fun sur Fun Radio. Le son Dance Floor. Oh, les vacances, ne plus penser à rien. Ouais, enfin, faudrait pas tomber en panne comme l'année passée, hein. Bon, c'est pas grave. Oui, pas grave, ça dépend, parce que... Avec l'assistance Voyage Touring, vous partez en toute insouciance à partir de 7 euros par mois.

Il est 8h56 sur Fun Radio, nous sommes en direct de chez Nausicaa ce matin, en direct de Boulogne-sur-Mer. 8h57, ça vient juste de changer, c'est incroyable, je dis toujours, hein, ces heures qui changent au fur et à mesure. Il vous reste moins de 10 minutes pour essayer de gagner vos entrées et vos Golden Pass pour Walibi. Comment s'inscrire, Yolande? Vous envoyez Pulsar, P-U-L-S-A-R, par SMS au 6322 pour 1€ par message. Pour le son d'Enflore, il y aura Mathieu Canabi dans un instant sur Fun, l'un des sons de l'été. Stéphane Hénard est notre invité ce matin. Il y a des auditeurs qui veulent vous poser des questions. Est-ce qu'on a quelqu'un en ligne ou pas, Yolande? Alors, j'attends un petit peu. Excuse-moi. Tu n'as pas la confirmation du standard à Bruxelles? Eh bien, dès que tu as la réponse, tu me le dis. On a un anniversaire à souhaiter ce matin. Bon anniversaire à Charlet. C'est de la part de Wawa. Voilà, très bon anniversaire. Alors, Stéphane, les projets de Nausicaa, il paraît que alors, vous faites déjà 4000 mètres carrés, je crois, hein, c'est ça, au niveau de la surface? 4500 d'exposition. Pour être précis. Alors, il paraît que vous allez vous agrandir. Vous avez des projets. Racontez-nous un peu ce qui va se passer pour Nausicaa ici à Boulogne-sur-Mer. Ah, bah déjà. Il se passe toujours quelque chose en fait. Cette année déjà on a une nouvelle exposition avec ces reptiles et ces batraciens dont vous a parlé je pense Simon tout à l'heure. Là ce qui va se passer pour nous c'est qu'on va continuer de renforcer les peuplements de l'exposition qu'on visite actuellement. Et puis on se prépare bien sûr à ce très grand projet d'extension qui va nous prendre 2 années là. Alors en tout vous avez combien d'espèces qui sont présentes chez Nausicaa? Alors ici on a 1 millier d'espèces différentes. Oh bon ça Dieu va, ça va du manchot en allant à l'escargot en passant par le requin. Il vous manque otaries. Une espèce. Alors le carolo. Espèce en voie de disparition, dont fait partie Jean-François d'ailleurs à l'info. J'allais justement demander si vous pouvez m'héberger pendant un mois parce que je ne savais pas où aller en vacances, donc ça pourrait attirer du monde. Hein. Avant de poser la question, allez faire un tour dans les frigos, regardez ce qu'on a à vous proposer à manger, vous risquez de changer d'avis. Vous avez quoi, vous leur donnez quoi par exemple au requin, ils mangent quoi? Alors ils mangent très très peu en fait, c'est un animal qui économise beaucoup l'énergie, il leur faut très très peu, 1 à 2% de son poids vif par semaine, c'est vraiment pas grand chose. Ils font des régimes du camp les requins. C'est un peu ça mais à longueur de vie en fait. Alors c'est du poisson, ici on a toute une palette d'aliments dans les congélateurs et on les décongèle soigneusement, on les prépare, on ajoute des vitamines. Important la chaîne du froid. Hein. On ajoute des vitamines, tout ça, ils ont besoin de tout ça. Stéphane, nous avons quelqu'un au téléphone qui veut vous poser une question. Allô, bonjour, qui est là? Non, Ivan, je t'avais fait un signe pour te dire justement qu'on n'avait pas la personne. Ah, bah c'est bien parce que Yolande me dit que oui, ah, et toi, si on a quelqu'un. Alors, allô? Ah, bon, bah très bien, mettez-vous d'accord, les gars. On a juste pas le prénom. On est qui au téléphone? C'est Benoît. Bonjour, Benoît. Benoît, quelle est ta question à Stéphane? J'aurais pu savoir, en fait, qu'est-ce qui se passe le soir lorsque le parc ferme, que les portes ferment? Est-ce qu'on met de la lumière partout? Est-ce qu'on laisse de la lumière dans les bassins pour les poissons? Et est-ce qu'il n'y a pas le lendemain matin des surprises en fait? Ou des poissons qui seraient battus pour la nuit ou qui auraient sauté d'un bassin à l'autre ou... Ils font des soirées club avec David Guetta aussi. Hein. Ça arrive. Alors plus sérieusement, la réponse à cette question, Stéphane. Ah, je pourrais en parler pendant des heures. C'est une question vraiment très intéressante. Bon alors, il y a une veilleuse la nuit lorsque les visiteurs s'en vont, que le soir tombe, on reconstitue la lumière de la lune. La lune c'est extrêmement important pour le cycle de vie des animaux, ah pour ouais. nous aussi d'ailleurs. Et donc on a une des veilleuses qui reconstitue la lumière de la lune, ou bien on a carrément des fenêtres comme ici là, autour de ce grand lagon qui permettent à la lumière de la lune de traverser. Les animaux ont vraiment besoin de ça. Et il se passe des choses la nuit, bien entendu, il y a beaucoup de poissons qui se reproduisent la nuit, ils sont tranquilles comme ça. Et puis donc nous on installe des petites capteurs qui permettent de récupérer les œufs et on arrive souvent à élever les jeunes comme ça et puis à avoir une nouvelle génération pour peupler nos aquariums. Il y a aussi des animaux qui font des balades, qui vont d'un aquarium à l'autre. On a connu comme ça une pieuvre qui, la nuit, sortait de son aquarium, elle regardait un petit peu ce qui se passait à côté et revenait dans son aquarium ensuite. En mode discret. Oui, en mode discret, mais si elle passait à côté, c'était pour aller capturer quelques poissons. Donc au comptage, on se disait mince, il en manque. Et donc en installant des barrières, on s'est rendu compte que la population de poissons restait stable, c'était bien la pieuvre. Donc des petites caméras espions, la technologie vient à notre secours et des petites caméras espions nous permettent d'en apprendre davantage sur le comportement des animaux la nuit. Merci Stéphane et merci Benoît pour ta question. Notre question par SMS au 3044, il y en a beaucoup autour de la table, hein, beaucoup d'interrogations. On parlait des poissons qui font des câlins, c'est sur Fishporn que vous pouvez retrouver les images bien évidemment. Mathieu Canavi dans un instant sur Fun Radio, après les infos, la météo, il est 9h01 sur Fun Radio. Luminus soutient votre énergie pour les Diables Rouges. Encouragez-les via le hashtag 12e Diable. Luminus, à votre service. Un point sur les toutes dernières informations, c'est en compagnie de Jean-François. Salut Jeff. Bonjour Evan, bonjour à tous. Les syndicats de police se sont entretenus hier avec le directeur de l'organe de coordination pour l'analyse de la menace et un représentant du cabinet du ministre de l'Intérieur. Après l'assassinat d'un couple de policiers en France et l'avertissement sur des attentats imminents, ils ont manifesté leur inquiétude quant à la sécurité des policiers. Ils ont également exposé leurs revendications, notamment concernant le port d'armes permanent et les mesures de sécurité qui doivent être appliquées indépendamment du niveau de la menace. Le personnel de la société de manutention aéroportuaire Swissport a arrêté le travail ce matin à Bruxelles Airport. Le mouvement n'a pas été organisé par les syndicats, mais bien de façon spontanée par les travailleurs. Bruxelles Airport analyse actuellement les conséquences concrètes pour les voyageurs de cette grève. On sait déjà qu'un certain nombre de vols partent actuellement sans les bagages des passagers ou sont retardés. Et puis une autre information aussi, en 2015, le nombre de jours de grève a chuté par rapport aux années précédentes en Belgique. L'an dernier, la Wallonie a enregistré deux fois plus de jours de grève que le reste du pays. Au total, le nombre de jours de grève comptabilisé en Belgique est de 4 fois moins important qu'en 2014, l'année de l'arrivée au pouvoir du gouvernement Michel. Fun Radio, à l'heure de l'euro. Tous les yeux des Diables Rouges seront tournés vers le match Italie-Suède qui se joue cet après-midi à 15h à Toulouse. Le résultat de ce duel est évidemment très important pour les Belges à la veille du match qu'ils joueront demain à 15h face à l'Irlande. Battus par les Italiens, les Diables rêvent de voir sans doute la Squadra Azzurra s'imposer face à Zlatan Ibrahimovic et ses équipiers. Du côté des Diables Rouges, Kevin De Bruyne et Eden Hazard ont repris les entraînements après deux jours de repos suite à des douleurs ressenties au lendemain du match contre l'Italie et sont donc sélectionnables. Et puis pour le reste des matchs de l'Euro, l'Angleterre victorieuse sur le score de 2-1 hier face au Pays de Galles a pris la tête du groupe B devant la Slovaquie qui s'est relancée après son succès contre la Russie. Dans le groupe C, l'Irlande du Nord a battu l'Ukraine 2-0 et l'Allemagne a dû se contenter d'un partage face à la Pologne. L'Allemagne est en tête de son groupe devant la Pologne et l'Irlande du Nord tandis que l'Ukraine est déjà éliminée. Aujourd'hui, on joue également les matchs de la deuxième journée du groupe D avec République Tchèque-Croatie à 18h et Espagne-Turquie à 21h. Et puis, je ne résiste pas à cette dernière info pour vous dire que selon une enquête menée par un site de rencontres extra-conjugales auprès de 10 000 membres inscrits, un quart des femmes sondées admettent qu'elles profiteront des matchs de l'Euro 2016 pour tromper leur conjoint. 34% des sondées comptent profiter des soirées sans leur mari pour sortir avec leur copine. 27% en profiteront pour s'accorder un peu de bon temps, alors que 24% admettent qu'elles iront passer la soirée avec leur amant. Côté homme, le comportement n'est quand même pas plus glorieux non plus, puisque 76% des participants au sondage admettent avoir... Fun Radio. Grâce au Last Minute Opel, vous pouvez prendre la route dès demain dans l'une de nos voitures de stock à prix super attractif. Surfez donc vite sur opelstock.be. La météo pour terminer, Jean-François. La matinée fera la part belle au soleil, mais des averses orageuses viendront ensuite assombrir l'horizon depuis le sud du pays. Des averses très locales pourraient causer des inondations. Les maximas de température seront compris entre 15 et 19 degrés. Et puis l'alternance d'un bon et d'un moins bon temps demeurera le mot d'ordre du week-end, avec des températures à la mi-journée proches de 17 degrés. Le prochain rendez-vous de l'info, c'est à midi avec Carlo. Moi, je vous retrouve avec plaisir dès lundi 6h. Et tout de suite, c'est Mathieu Canavi sur Fun Radio. Fun. Fun Radio. Panos présente les feux du four. Go, ça va vite! Goûtez la famille à croquer et gagnez des tickets pour Plopsaland. Panos, le goût de chez nous. Conditions sur panos.be. Fun Radio! Ah là, c'est énorme! Fun Radio. Are you ready? Rejoignez tous les millions de fans de Fun Radio. Fun. Suivez-nous sur Facebook, Twitter et Instagram. Fun Radio. Le son des Dance Floor. Toute la journée, partout, suivez Fun Radio. Le son Dance Floor. Evan et la tribu, 6h-9h sur Fun Radio. Réveillez-vous, comme vous êtes. She's Miss California. Heard a thing that wants to lay housing by the water. Save the yacht across the bay. Drive the Marinello. Hollywood's a favorite scene. Loves to be surrounded. The superstar, they know her name. Comme un aimant, elle m'attire mais je résiste. Loin, je dois rester loin de cette fille-là. Pourtant même si tout nous oppose, she's Miss California. Ce matin, 6h sur Fun Radio, nous sommes en direct de chez Nausicaa, ici à Boulogne-sur-Mer, en France. Alors, il a fait très très beau hier, hein. J'ai eu la chance d'aller faire un petit tour sur la plage et j'ai même pu enlever le t-shirt, Yolande, dommage que tu n'étais pas là, chouchoute. Et non, c'est très agréable. T'as pas fait une photo ? Non, j'ai pas fait une photo. Ah, je suis déçue. Je suis conscient de mon corps. Et aujourd'hui, il fait un peu moins beau, mais franchement, on a été super bien reçus. Un grand merci à toute l'équipe de Nausicaa et à Stéphane Hénard, qui était notre dernier invité ce matin, l'un des fondateurs donc de chez Nausicaa, qui fête ses 25 ans cette année. Combien de visiteurs en moyenne par an vous recevez ici ? Depuis l'ouverture, on a fait 15 millions de visiteurs. Ça fait 600 000 visiteurs en moyenne. 15 millions de visiteurs multipliés par 2 euros qui vont dans votre poche. Vous êtes millionnaire, Stéphane. Tout à fait. Champagne. Et alors, ça fait travailler combien de personnes, Nausicaa, quand même, pour montrer que, bah voilà, on sait que dans une situation économique par certains pays, il faut montrer aussi des entreprises qui font bosser du monde, quoi. Ici, il y a 150 personnes qui travaillent en permanence. Oh, je voudrais pas être votre comptable qui fait les salaires à la fin du mois. Hein. Ça va être un petit peu compliqué. Stéphane, restez avec nous. On va revenir sur le sondage du jour qui était les Bleus vont jouer demain à 15h. À votre avis, quel sera le score ? Les Bleus, qu'est-ce que je raconte, moi ? Les Belges, ça commence par un B aussi, mais c'est pas la même chose. Les Diables, si vous préférez. Alors, on clôture, finalement, est-ce que majoritairement nos auditeurs pensent que la Belgique va gagner demain ou va perdre ? Moi, je pense qu'elle va perdre, malheureusement. Mais la majorité reste très très motivée, dit à 84% que les Belges vont gagner. 15% pensent que ce sont les Irlandais. Il y a un petit pourcent qui prévoit match nul, mais j'imagine qu'en Irlande, c'est exactement les pronostics inverses. Rendez-vous lundi matin entre 6h et 9h pour savoir qui d'entre vous aura gagné. Il y a ce petit message. Salut la tribu, j'offre un verre de cava aux 50 premiers qui viendront se présenter au cava bar pour le beach volley à Tervuren. Je le lis parce que c'est pas tombé dans l'oreille de sourd, à mon avis. Et si j'entends parler des auditeurs qui me disent que ça n'a pas été assumé, eh ben on va recoser, hein, monsieur qui termine par le téléphone 45. Alors ce matin, il y avait deux auditrices qui nous accompagnaient également. Célia qui a gagné donc sa venue sur l'antenne. Célia, tiens, tu vas prendre le micro. C'est pas les Célia. Qu'est-ce que j'ai dit ? Il a passé toute la soirée avec ces demoiselles. T'as oublié son prénom. Je pense que la fatigue de fin de saison, le fait qu'on dorme peu, ça commence vraiment à handicaper mon cerveau. Je pense que c'est l'âge pour toi. Merci pour cette vérité qui me rattrape. Alors Lucia, tu voulais passer un message à qui ce matin? Ben voilà, déjà je voulais passer un coucou à toutes les personnes qui me connaissent. Et en particulier à mes collègues de la Mutualité Socialiste rue du Midi à Mille-Bruxelles. Du service tiers payant à qui je passe le petit bonjour. On les embrasse bien de fort. Boulogne-sur-Mer. Un autre coucou. Mélanie, tu voulais passer un message à qui? Oui, je voudrais passer un coucou à mes collègues aussi de la crèche La Marmottine. Ouais. Voilà, je leur fais de gros gros bisous et merci à elles de d'avoir convaincu l'équipe de me laisser partir à Boulogne-sur-Mer. Et ben voilà, vous avez passé un bon séjour les filles quand même, hein, 24 heures. Oui. C'est pas fini d'ailleurs, vous avez profité de l'aquarium de Nausicaa tout au long de la journée. Merci beaucoup à Fun Radio en tout cas. Oui. Bah, bravo d'avoir joué, comme quoi ça n'arrive pas qu'aux autres, on vous fait des gros gros gros bisous. On va se quitter en rappelant le petit déj gratos du jour. On est à quel endroit, Yolande? On est à Grivenier, c'est sur les hauteurs de Liège, à la boulangerie Péché Mignon, rue Docteur Bordet 12. Et alors, il y a Virginie qui vous reçoit avec un petit pain au chocolat. Et on va pas se quitter comme ça, parce que les dernières places pour Walibi sont mises en jeu ce matin. Les Golden Pass également. On va faire donc sonner chez quelqu'un qui a envoyé Pulsar par SMS au 6322. Et le temps que ça sonne, je lis encore le message de DJ Furex. Moi, je crois que la Belgique va encore perdre 2-0, malheureusement. Quelqu'un qui pense comme moi. On fait un bisou d'ailleurs à DJ Furex, qui est un des fidèles de Fun Radio depuis des années. Ils viennent de couper l'électricité, je pense. Que... Non. Ouais. Je suis inquiet. Pas de panique. Vous n'avez pas payé EDF? 9h12 sur Fun Radio. Vous suivrez toutes les images de cette délocalisation à Nausicaa sur le Facebook de l'émission Evan et la Tribu, sur le Snapchat également. Khalid va lui faire plein de vidéos également avec les requins. Oui. On passe à quelqu'un d'autre tout de suite au standard. Faites sonner chez quelqu'un, on va pas avoir le temps de laisser un message, vous le ferez hors antenne. On doit partir avec. Alors, c'est quoi? C'est des entrées ou des Golden Pass qu'on met en jeu là? Ah, bah je le dirai quand on mystère, la mystère, mystère. Je vous ai souhaité vraiment bonne chance et bon courage à nos diables demain. J'espère que vraiment ils vont gagner, même si je pense qu'ils vont perdre parce que ça va. Non, mais il y a une différence entre ce que je souhaite et la réalité. Comme mais toujours. J'aimerais bien qu'ils gagnent parce que ça va mettre vraiment du baume au cœur à tout le monde. Oui, bonjour, quel est ton prénom? Céline. Céline, j'aime bien quand la personne oublie son prénom, hein. Ça m'arrive aussi tellement de fois. Céline, tu as décroché, c'est gagné. Yeah. Oh, super. Merci beaucoup, c'est gentil. C'est pas gentil, c'est normal, puisque tu as participé par SMS et que je t'ai appelé, que tu as décroché. Écoute ce que tu as remporté. Céline, tu as gagné 2 entrées pour aller t'éclater à Walibi et surtout découvrir la toute nouvelle attraction qui est une exclusivité mondiale, c'est Pulsar. Félicitations Céline, bravo pour ces 2 places que tu remportes ce matin. Je t'embrasse très fort. Merci beaucoup. Merci bien. Bon week-end. Passez une bonne journée également. Merci toi aussi Céline. Allez, on sera là dès lundi à partir de 6h. Merci à toute l'équipe de Nausicaa qui nous a reçus ce matin. Et je laisse la place à Lloyd qui débarque comme tous les jours en pleine forme jusqu'à 13h avec plus de 40 minutes de son dance floor non-stop toutes les heures. Bisous tout le monde, à lundi. Nous on est parti jusqu'à 13h sur Fun Radio. Dans un instant, Dimitri Vegas et Like Mike. Il y aura aussi Chris Cabba et voici Galantis. No Money, je vocale sur Fun. Sorry, I ain't got no money. Fun Radio. Fun Radio. Fun Radio. Fun Radio. Fun Radio. Fun Radio.